Philippe Raguenau. Bonsoir Jean-Claude. Content de vous rencontrer enfin. Et content d'être ici. Le livre que vous avez écrit il y a déjà combien d'années ? 5 ans, 6 ans ? Oui, 7 ans même. L'autre côté de la vie. Oui. Ça ne viendrait pas d'un homme comme vous ? On pourrait être surpris et penser que c'est un fou qui a écrit ça. Oui, vous savez, j'ai moi-même été très sceptique pendant longtemps. Je me disais, bon, c'est pas possible, je me parle à moi-même, je fais les questions et les réponses. Je crois que c'est assez classique. Et puis, Catherine a réussi à me convaincre par quelques démonstrations assez spectaculaires, je dois dire, comme de retrouver des objets que je croyais perdus. Et à la fin, je me suis incliné. Oui, c'était vrai. C'était donc vrai. La communication s'était établie. Et elle durait. Et ça continue. Voilà. Pourtant, au départ, vous êtes plutôt un homme cartésien, on va dire. Tout à fait, oui. Je dois vous dire quand même que je suis croyant. Je suis croyant, j'ai des convictions profondes à cet égard, c'est certain. Mais pour le reste, je crois à ce que je vois. Je suis un homme terre-à-terre et je crois que tout mon passé professionnel le prouve. Donc j'étais fort loin de ce genre de manifestation, fort loin de tout cela, et je ne m'y attendais pas. Catherine me l'avait dit, pourtant, tu verras, je réussirai à communiquer. On se l'était promis. Je crois que pour que cette communication s'établisse, il faut d'abord la vouloir. Il faut s'aimer, bien entendu, c'est le postulat numéro un, ça va de soi. Mais il faut aussi le vouloir et s'y préparer. C'est ce que nous avions fait. Elle m'avait dit, quand j'arriverai là-haut, je ferai tout ce qu'il faut pour te rejoindre. Et bon, ça aurait demandé quelques mois quand même. Je suppose qu'il doit y avoir des étapes là-bas. Là-dessus, elle n'a pas voulu m'en dire davantage. Et puis, en effet, cette communication est arrivée un jour où je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que là, même à partir de là, j'ai douté jusqu'à ce que l'évidence s'impose. Et voilà où on en est. Philippe Raguenau, il y a des auditeurs qui vous connaissent, qui ont entendu parler de vous. Vous êtes un homme de communication, de médias. Oui. En quelques mots retracés, pardon si on revient en arrière en étant ici et maintenant, mais retracés le parcours de Philippe Raguenau. Je vais m'en tenir justement à la communication simplement et faire abstraction des autres professions, des autres métiers que j'ai pu exercer. Je suis diplômé d'HEC, ça veut dire que j'étais orienté vers les affaires, vers la banque. J'ai commencé par la banque d'ailleurs. Mais ma première activité dans la communication s'est présentée à la Libération. J'avais libéré la ville de Nantes avec les FFI que j'avais levé à ce moment-là. Je venais de Londres. Et avec des amis, notamment le chef départemental de la Résistance, nous avons décidé de créer un quotidien régional qui s'est appelé L'Avenir de l'Ouest et dont j'ai été le directeur général pendant plusieurs années. Et puis lorsque De Gaulle a créé le Rassemblement du Peuple Français, il m'a appelé à Paris et il m'a confié toute une région de l'Est, 11 départements de l'Est, comme délégué national. Et là, pendant plusieurs années, 2 ans exactement, j'ai circulé à travers ces départements, cherchant des maires, des députés, des sénateurs, enfin mettant en place cette grosse formation qu'était le RPF de l'époque. Il y avait tout de même plus d'un million d'adhérents, ce qui était beaucoup pour un parti. Puis là-dessus, bon, ben, vous connaissez l'histoire. Et c'est Bénouville et Dassault qui m'ont appelé pour... ils voulaient créer un journal, Jour de France, et ils m'ont appelé pour les aider. Donc j'ai fait ça, bien sûr. On a lancé cet hebdomadaire qui marchait bien. Puis Dassault m'a demandé si je voulais créer à Beauvais, où il comptait se présenter, un quotidien régional. J'ai encore dit oui, et je vais faire un quotidien régional, bien sûr. Bon, puis là-dessus, De Gaulle est revenu au pouvoir en 58. Je faisais partie du petit groupe des comploteurs qui préparaient son retour. Donc tout naturellement, je me suis trouvé aux premières loges. J'ai préparé la fameuse conférence de l'hôtel d'Orsay. Et ensuite, il m'a appelé à son cabinet. Bon, donc j'ai été chargé de mission du général auprès de lui pendant cette année 58, qui fut exaltante parce que c'était une année foisonnante en idées, en initiatives, en projets. Il fallait tout remettre debout. Lorsque De Gaulle est passé à l'Élysée, Pompidou m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez me proposer? Ah ben, le ministère du Tourisme est libre, si vous voulez le prendre. Je lui ai dit que si j'avais voulu faire de la politique, je l'aurais fait bien avant, puisqu'on m'avait souvent demandé de me présenter. Mais la politique m'intéresse, mais dans les coulisses. Ce qui m'intéresse, c'est de préparer les choses, de faire les choses, de voir les choses, mais pas devant les projecteurs. Alors il m'a dit à ce moment-là que la direction de l'information radio était vacante. Ça m'intéressait. Donc j'ai donc pris la direction de la radio de l'époque, radio qui était la RTF à l'époque. Et puis il y a peu de temps, quelques mois plus tard, Jean Darcy, qui venait de créer la télévision de l'autre côté de la Seine, Rue Cognac-G, m'a dit « Mon cher camarade, nous sommes deux HEC dans la boutique, c'est pas beaucoup, mais venez donc me rejoindre. » J'ai dit « Oui ». J'ai traversé la Seine et j'ai été nommé directeur des programmes de la RTF de l'époque. La RTF s'est transformée en RTF et là, le PDG de l'époque, Arthur Conde, m'a demandé de créer une deuxième chaîne. Donc j'ai créé la deuxième chaîne en 1964, dont j'ai assumé la présidence, tout en gardant la haute main sur les programmes de la première chaîne, car je voulais que les deux programmes fussent complémentaires, ce qui me paraissait tout à fait essentiel. Et là, je suis resté là jusqu'en 68, et à ce moment-là, j'ai été nommé administrateur de l'ORTF et inspecteur général de l'ORTF. Mon parcours se serait arrêté là si l'idée de prendre ma retraite m'avait souri, mais c'était pas du tout ma tasse de thé. Je suis donc passé à Secolib, qui est une énorme société d'études de marché très, très intéressante, dont je suis devenu l'un des directeurs. Et lorsque Secolib a été absorbé par la Sofres, c'est la Sofres qui m'a absorbé à mon tour, et je suis devenu également responsable d'un secteur d'information. Donc ma carrière s'est terminée à la Sofres à 70 ans, parce qu'au-delà, paraît-il, on ne pouvait plus siéger dans les conseils d'administration. Voilà, très brièvement résumé le parcours en matière de communication. Avez-vous connu cet organisme qu'on appelle le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel? Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas à l'époque. Nous avions un ministère de l'Information, qui d'ailleurs était extrêmement discret. Je n'ai jamais reçu une seule recommandation du ministère de l'Information. À l'imperfite, on le rencontrait de temps en temps, on parlait de beaucoup de choses. Il s'informait, il suivait les affaires, mais jamais d'instruction. Donc nous étions totalement libres. Bon, je crois que les responsables de la maison à l'époque et au plus haut niveau avaient confiance en nous. Ils nous laissaient faire notre travail en toute quiétude. Du reste, un réalisateur dont les attaches communistes sont bien connues, Marcel Bluval, a dit il y a quelque temps « Nous n'avons jamais été aussi libres que cette époque-là ». Cette époque est révolue, vous le sentez? Je ne sais pas. Sans porter de jugement, quel qu'il soit. Je ne sais pas, je me suis éloigné de cet univers, donc je ne sais pas comment les choses ont tourné actuellement, je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Je crois qu'il faut une régulation au plan technique, mais ça doit s'arrêter là, selon moi, ça doit s'arrêter là. Vous avez connu les premières radios libres? Oui, bien sûr, oui, oui, comme tout le monde. Mais je ne les ai connues que pour y avoir été invité, comme vous le faites aujourd'hui, mais pas autrement, non. Nous sommes toujours libres, Philippe Ragoneau, 23 ans après. J'en suis sûr, et je m'en réjouis. Et restez-le surtout, hein. Restez-le, c'est très important. Nous faisons tout, pour rester libre, comme vous l'êtes, pendant cette soirée que nous allons passer, même si l'histoire que vous racontez, qui est votre histoire, qui est une histoire vécue, parce que ce serait gonflé de votre part de mentir, paraît quelque peu invraisemblable. Mais pour en revenir à ce livre, L'autre côté de la vie, Dialogue avec l'invisible, c'est un livre que vous avez écrit peu après la mort de Catherine. Bon, je l'ai écrit sous la pression de Catherine. Je ne voulais pas l'écrire. Elle m'a dit un jour, il faut que tu écrives cela. Dès que notre communication s'est établie, bien entendu, pas avant. Cette communication s'est établie 2 à 3 mois après son départ. Et elle m'a dit, bon, bah, écoute, il nous arrive quelque chose de merveilleux, c'est très bien. Mais il faut que tu portes témoignage, parce que tout cela prouve bien que la mort n'est qu'un passage, hein. L'autre côté de la vie, c'est là où je suis. Je suis présente, tu m'entends, tu me comprends, je suis heureuse, nous pouvons dialoguer. Ça, il faut que tu le dises. Beaucoup de gens sont désespérés, ils croient que la mort est un grand trou noir dans lequel on disparaît à jamais. Mais non, absolument pas. La mort est simplement un passage, c'est rien d'autre. Nous passons d'une vie terrestre, matérielle, à une autre vie spirituelle, qui est infiniment plus riche, infiniment plus vaste, infiniment plus nourrie. Ce qu'elle m'en a dit me donne beaucoup d'envie de la rejoindre. Elle m'a dit, il faut que tu écrives ce livre. J'ai résisté parce que revivre cette horreur qu'avait été cette longue maladie, cette agonie qui n'en finissait pas, ça me paraissait vraiment un supplice. Et puis en me forçant, j'ai commencé par écrire la seconde partie, c'est-à-dire celle qui avait la partie joyeuse, la partie où on se retrouve. J'ai commencé par celle-là, c'était plus facile. Et quand elle a été écrite, à ce moment-là, je me suis attaqué à la première partie, qui est la partie tragique, celle de sa maladie et celle de son agonie. Et voilà, le livre terminé, je l'ai porté à mon éditeur et puis il était best-seller pendant 6 mois. Je m'en réjouis non pas du tout parce que l'auteur que je suis est content de voir son livre marcher, c'est pas ça du tout. Je m'en réjouis parce que je crois que ce livre a fait du bien là où il est passé, là où il a été lu. J'ai reçu près de plus de 5000 lettres, et je parle pas des coups de téléphone innombrables. Catherine m'avait demandé de ne pas mettre ma ligne sur la liste rouge, de façon à ce que les gens qui vivaient une détresse, une souffrance comme celle que j'avais vécue, puissent m'appeler, ceux qui le font, ceux qui ne se sont pas privés de faire. Et je les encourage à le faire d'ailleurs. J'ai répondu à ces 5000 lettres. C'est pendant certaines semaines, je faisais que ça, d'ailleurs, répondre à du courrier ou répondre au téléphone. Mais ça prouve que ce livre a touché ceux qu'il devait toucher, c'est-à-dire ceux qui pense encore une fois que l'absent est un disparu. Ce n'est pas ça du tout. Et je pense qu'il a dû en convaincre beaucoup parce que ses lettres sont absolument merveilleuses. Je les relis parfois. Elles sont étonnantes de gratitude d'abord vis-à-vis de Catherine qui a permis justement de retrouver cette sérénité perdue un petit peu vis-à-vis de l'interprète que je suis. Je ne suis qu'un modeste truchement, j'ai tenu la plume, mais c'est Catherine qui me dictait les mots, voilà. Vous parlez de Catherine, Catherine est toujours présente, mais Catherine, oui. De quelle Catherine s'agit-il ? Catherine Anglade, très connue des téléspectateurs, puisqu'elle avait créé plusieurs programmes, dont « Sérieux abstenir », avec Jean Amadou, Jean Maillot, Jean Berthaud et bien d'autres. C'était un programme de divertissement à base de sketchs et d'interviews et de chansonniers. Ce programme, je lui avais confié. Elle était venue me voir parce qu'elle cherchait du travail à la télévision. Elle travaillait avec Jacqueline Joubert. Elle s'entendait très bien avec Jacqueline Joubert, qui est une fille merveilleuse. Mais elle pensait pouvoir faire mieux que d'être l'assistante d'une femme généreuse et intelligente. Et je lui ai dit, la seule chose qui me manque, je venais de créer la deuxième chaîne, c'est une émission à base de sketch. Si vous arrivez à monter ça, bien, vous la garderez. Elle est partie en chasse, elle a trouvé Amadou, elle a trouvé Maillot, elle a trouvé Berthaud, elle a trouvé Bernard Régnier, d'autres gens pour écrire les sketchs. Et elle m'a présenté un pilote qui était excellent. Je lui ai dit, bon, bah, très bien, vous avez une émission hebdomadaire tous les dimanches, à la meilleure heure. Et ça a marché pendant des années. Elle a crevé tous les plafonds d'audience. Elle avait créé aussi l'invité du dimanche. C'était une émission qui était en alternance avec d'autres gens et qui durait toute l'après-midi du dimanche. Ça aussi, ça marchait très bien. Et elle a fait des gros reportages également. C'était quelqu'un d'une très, très grande capacité professionnelle qui gérait elle-même d'une main de fer son budget et la technique. Elle connaissait tout cela. Elle l'avait appris. Elle avait un sens aigu du public et tout ce qu'elle a touché s'est transformé en or, en réalité. C'était très bien. Et puis, une malveillante, quelque part, dont je ne citerai pas le nom, qui n'aimait pas les gaullistes, a arrêté l'émission, sèchement, comme ça, sans préavis, sans raison surtout, parce que l'émission marchait très bien. Là-dessus, pour faire bonne mesure... quelqu'un d'autre d'aussi bienveillant lui a envoyé un contrôle fiscal qui était d'autant plus immérité qu'elle tenait ses comptes avec une rigueur extraordinaire. Et selon moi, ces deux faits-là sont à l'origine de son cancer. Je crois que c'est à partir de là qu'elle a commencé à se miner par ces deux problèmes. Catherine est une femme qui a, vous l'avez dit, une poigne. Oui, absolument. Et qui ne s'en laisse pas compter. Non. Vous avez quelques anecdotes que vous relatez dans ce livre, L'autre côté de la vie, Ou vous la trouvez même gonflée de temps en temps. Oui, oui bien sûr. Oui. Vous pensez peut-être à notre embarquement à New York. Oui. Ah, oui. Nous étions mariés à New York parce que je ne voulais pas du tout que l'on sache que elle et moi étions mariés en France. Nos comptes étaient séparés. J'y tenais beaucoup. J'avais ma comptabilité, elle avait la sienne. Nos comptes n'étaient pas mélangés du tout. Donc, ce qu'elle gagnait, c'était pour elle, et ce que je gagnais, c'était pour moi. Et nous avions décidé de nous marier quand même, et c'est Jacques Salbert qui nous a mariés à New York. Et au moment du départ, petite parenthèse, reviens en arrière, ce voyage faisait suite à une réunion de la communauté des télévisions francophones. J'avais fondé la communauté des télévisions francophones à Londres quelques années plus tôt, et j'en étais le président, et je tenais des réunions tournantes, tantôt à Genève, tantôt à Bruxelles, tantôt à Montréal, tantôt à Paris, et cette fois-là, c'était Montréal. Et en revenant de Montréal, avec Catherine qui m'accompagnait, nous nous sommes arrêtés à New York pour nous marier. Bien. Au départ, nous avions reçu des tas de cadeaux et elle avait un supplément de bagages important et naturellement le gars qui le préposait au bagage, je lui dis madame, il faut vous débarrasser de ce supplément de bagages, vous pouvez pas prendre l'avion. Et derrière nous, il y avait une américaine obèse comme beaucoup d'américaines qui devait faire dans les 200 kilos. Et Catherine s'est demandé, est-ce que vous allez demander à cette femme de perdre 50 kilos avant de prendre l'avion? Tu lui as dit, madame, ça n'a aucun rapport. Comment ça n'a aucun rapport? Ce qui compte, c'est le passager plus ses bagages. C'est pas le passager tout seul, les voyages tout seul. Or, cette dame plus ses bagages, elle fait deux fois ce que je pèse avec les miens de bagages. Alors, elle a fait un tel esclat que le directeur de l'aéroport lui-même s'est dérangé pour essayer d'arranger les choses. Et bon, finalement, on a pris l'avion avec les bagages, bien entendu. Bon, ça, c'était Catherine Crachet, bien entendu. Elle a été arrêtée plusieurs fois par la police quand elle estimait être dans son droit. Elle s'agitait tellement qu'on finissait par l'embarquer et la flanquer au Newf. C'est arrivé une fois, un dimanche, où l'émission qu'elle faisait était en direct. Et elle devait impérativement être là, bien entendu, pour l'émission. Et le matin même, on l'a mis en tôle. Et c'est toute l'équipe de Sérieux S'abstenir qui est venue la chercher en voiture. Et on a réussi à la dégager juste à temps pour l'émission. Voilà quelques exemples. Parmi lesquels Jean Amadou, Jacques Maillot. Voilà. Jacques Maillot a... Je vais le dire, c'est un peu personnel, mais un ami d'enfance avec qui j'ai fait mes études dans la région de Clermont-Ferrand, qui a gardé, lui, cet esprit chansonnier. Ah oui. On en a un tout petit peu parlé avant. Cet esprit chansonnier a un peu disparu. Oui, c'est le dernier carré, hein, les gens. Amadou, Douglas, Maillot, c'est le dernier carré. Et je recommande, de faire cette publicité, à tous ceux qui n'ont pas vu la revue des deux ânes, de courir coup au corps, parce que c'est désopilant, hein, c'est très bien. C'est de l'esprit tel qu'on le concevait au 19e siècle, enfin, avec des grands humoristes de l'époque. C'est de l'esprit, ce n'est jamais vulgaire, c'est gai, c'est drôle, ça roule, c'est très amusant. Et Jacques Maillot est un merveilleux ami d'une fidélité exemplaire. Il ne manque jamais, bien sûr, de prendre de mes nouvelles, de téléphoner, de m'inviter à son spectacle. C'est vraiment un grand, grand ami. L'Orient Coin, entre autres. Ah oui, ça. L'Orient Coin, je crois qu'elle a disparu. Hein. Il me semble que je regrette. C'était comme elle aussi, bien entendu. Ce sont des amis très chers. Les chansonniers avaient cette expression libre. Est-ce que vous pensez, là, maintenant, à tous ces médias qui... de moins en moins ont cette expression, cette liberté d'expression. Vous pensez que on est en train de nous la retirer, cette expression? J'espère que non. Ce serait tout à fait contraire à toutes nos traditions et à tout ce que nous voulons. J'espère que non. Écoutez, je n'ai pas cette impression. Enfin, j'ai pas d'exemple en mémoire. Mais c'est sûr qu'il faut rester vigilant et qu'il faut se battre bec et ongles pour que cette liberté nous soit préservée. Je crois que d'ailleurs c'est tout à fait la volonté du gouvernement en place. Il n'est pas question de brimer. Enfin, je n'ai rien entendu qui aille dans ce sens, en tout cas. Et si cela devait être, je crois qu'il faudrait en appeler aux plus hautes autorités de l'État. C'est-à-dire? Le président de la République lui-même. Ce livre, L'autre côté de la vie, je l'ai lu en 95 et puis je l'ai relu il y a deux nuits. Et vous avez justement parlé de la deuxième partie que vous avez écrite en premier. Oui. Mais sans vous offenser, ce n'est pas le but. En vous invitant, je trouve que la première partie, vous avez décrit l'agonie, oui. L'agonie de Catherine. Oui. Je ne dirais pas avec délectation, mais comme avec le langage du journaliste, celui qui observe, celui qui constate, celui qui voit la lente dégradation de la personne. Et cette personne, c'est la femme que vous aimez. Oui, il n'y avait pas d'autre façon d'aborder ce sujet, ce thème et cette partie du livre que justement le prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de distance. Ça m'était plus facile à partir de l'instant où la page était tournée et où je savais Catherine immensément heureuse. Elle me le disait chaque fois qu'elle me communique avec moi. Donc par conséquent, cet épisode... il était occulté, il était dépassé. C'était, on avait souffert, elle comme moi, elle plus que moi, bien sûr, mais c'était dépassé, et la récompense, elle l'avait. Donc, par conséquent, je pouvais en parler avec un certain détachement, mais encore une fois, avec un peu de distance. Est-ce qu'elle vous appelle le Tintouin avant sa disparition? Oui, et ça continue. Alors, les contacts continuent, bien sûr, mais ils sont plus occasionnels et plus épisodiques. Elle m'avait prévenu, d'ailleurs. Elle m'avait dit, je vais monter. Alors, ça, c'est le langage de là-haut. Je ne sais pas par quoi il faudra le traduire en mots terriens. Plus je monterai, plus je m'éloignerai des contingences terrestres, mais ça n'empêchera pas ni ma présence auprès de toi, ni nos communications quand tu en as besoin. Mais alors que il y a quelques années encore, nos communications étaient quasi quotidiennes, cette fois-ci elles n'ont lieu que en deux circonstances très précises, où j'ai besoin d'elle, je l'appelle et elle répond, ou bien c'est elle qui prend l'initiative d'intervenir quand elle voit que j'ai un gros problème ou que je vais faire une bêtise et qu'elle va s'efforcer de m'en empêcher. Voilà les deux cas où cette intervention est possible. Je puis vous dire, Jean-Claude, qu'en ce moment, elle est ici, dans votre studio. Nous n'en avons jamais douté. Pendant cette période où Catherine rentre dans cette agonie qui est, on va dire... non pas monstrueuse, mais difficile. Oui. Vous êtes toujours à ses côtés. Bien Est-ce sûr. Qu'elle vous réclame? Est-ce que de temps à autre, elle vous dit « casse-toi » ou « laisse-moi tranquille » Non, non, non, pas du tout, pas du tout. Non. J'étais extrêmement présent, il le fallait. vous savez, pendant cette période, je me levais 4 ou 5 fois par nuit pour rebrancher, vérifier les comptes-gouttes parce qu'elle avait des tuyaux partout. Ou quelquefois pour la recoucher parce qu'elle avait des crises curieuses, elle se levait tout à coup et j'ai trouvé une nuit en train de laver à grand eau le sol du salon avec tous les fils branchés, elle avait fait tomber la potence, c'était épouvantable. Donc il fallait à ce moment-là tout remettre en ordre. Bon, je ne sais pas combien d'heures je pouvais dormir dans la nuit, mais c'était pas beaucoup, je vous assure. Vous n'aviez personne pour vous aider à ce moment-là ? Il y avait une garde, non, j'ai pris une garde, j'ai fini par prendre une garde parce que le médecin m'a obligé à le faire en disant « cette fois-ci, c'est vous qui allez tomber malade, donc prenez une garde et essayez de dormir un peu plus ». Bon, alors à ce moment-là, une garde, les choses ont été un peu plus normales, de ce point de vue-là en tout cas. Est-ce qu'à un moment, Philippe Ragoneau, vous avez été tenté vous-même de tout arrêter, de tout débrancher ? Est-ce que Catherine vous en a parlé ? J'ai débranché les tuyaux, je l'ai fait tout à fait vers la fin. Elle était, c'était la fin complètement. Plus rien ne la soulageait. C'était fini. C'était plus un cadavre vivant. Hein. Et le médecin m'a dit est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on débranche les tuyaux ? J'ai dit absolument, absolument, faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a aucune raison de souffrir pour rien. Et j'ai débranché moi-même les fils, bien entendu. À un moment, dans le livre, vous parlez tous les deux à propos des cheveux. Oui. Il n'a pas eu de séance de chimio ? Non, non, non. Elle n'a pas fait... parce qu'elle n'a pas perdu ses cheveux. Elle a eu tous les traitements qu'on imaginait à l'époque, mais un certain nombre de ces traitements lui ont été évités dans la mesure où on s'était aperçu qu'il n'y avait plus rien à faire. Les derniers examens qu'on avait faits avaient démontré que le foie était complètement envahi de métastases. Par conséquent, c'était fini. Lorsque le foie était atteint à ce point-là, on ne pouvait plus rien faire. Mais là, il y a eu une espèce de complot entre les médecins, et vous et les proches. personne n'a voulu dire la vérité à Catherine. Si, si, elle le savait. Elle le savait ? Oui, bien sûr que vous lui avez dit, vous ? Oui, bien sûr que oui, elle le savait. Elle le savait. On en parlait très souvent le soir. Non, je crois, on ne sait rien, jamais, caché l'un à l'autre, rien. Elle savait où elle en était, les examens j'étais là, on disait, ben voilà, voilà le résultat, il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. Bon, ben, c'est une affaire de semaines, peut-être de jours. Oui, elle le savait, bien entendu. Je crois que il faut regarder les choses en face. Elle était croyante comme moi, et elle savait comme moi que les choses ne s'arrêtaient pas là, qu'il y avait autre chose. Quoi ? Elle ne le savait pas plus que moi, bien entendu, puisqu'il s'est resté à découvrir. Mais nous ne le sommes jamais mentis. Il a toujours su la vérité. À propos des cheveux, je reviens sur les cheveux, parce que il y a un rêve prémonitoire que Catherine a vécu bien avant de vous rencontrer. Elle vous dit, je sais, mais je suis bêtement superstitieuse. Je n'y peux rien. Quand j'étais jeune, j'ai fait un rêve, un cauchemar plutôt. Je perdais mes cheveux et j'allais mourir. Depuis, je ne les ai jamais coupés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les cheveux très longs, très beaux d'ailleurs, et très longs. Oui, oui, c'est vrai. Oui, exact. Catherine accepte cette agonie ou de temps en temps parce que il y a des moments de révolte. Il y a ce que vous avez écrit et puis ce que vous avez vécu qui n'est pas forcément. Est-ce que vous avez tout dit dans le livre? Est-ce que vous avez tout écrit? Ah oui, oui, oui, oui, absolument. Mais je n'ai rien caché. Hein. Je n'ai rien caché, pas plus dans la première partie que dans la seconde. Tout est là. Elle a eu des moments de révolte, oui, ça c'est sûr, mais qui n'en a pas dans ces circonstances-là, qui n'en a pas. Mais ça passait assez vite, ça passait assez vite. Alors on parlait de l'avenir, elle me disait, à ton avis, qui vais-je trouver en arrivant là-haut? Est-ce que je vais revoir mon chien? Elle avait un chien qu'elle adorait, c'est un setter irlandais qui était merveilleux, qui était mort plusieurs années auparavant. Et on avait un chat aussi, Moon était mort lui aussi. Il était mort à Gordes, et je lui dis, mais je ne sais pas, tu me le diras. Il dit, oui, dès que je suis arrivé, je te dis ce qu'il en est. Et elle les a retrouvés d'ailleurs, les deux. Elle vous l'a dit? Oui, oui, bien sûr, les premières choses qu'elle m'a dites. Alors parlons du vivant de Catherine, qui est vivante, mais dans d'autres sphères, dans un autre univers dont vous parlez très bien à travers ce livre. On ne peut pas penser à un moment que ce livre, les phrases que vous écrivez, n'ont pas été écrites par vous, mais dictées par Catherine. Elle me dictait, en effet. Et elle veillait à ce que je ne... Dans la formulation des choses, que je ne fasse pas d'erreur. Quelquefois, elle me disait, non, c'est pas ce que je t'ai dit. Corrige, ce n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Donc, je corrigeais. Mais elle me dictait. J'écrivais sous sa dictée, en réalité, hein. J'écrivais cette idée. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix, hein, ça il faut bien le savoir, jamais entendu le son de sa voix. Disons que ces paroles m'arrivaient dans la tête, comme celles qu'on peut dire à soi-même, voyez-vous. Une forme de télépathie? Absolument. Donc les mots m'arrivaient, des mots formés, et des mots qui étaient bien les siens, parce qu'elle avait une façon de parler, chacun une façon de parler, des expressions favoris, des choses comme ça. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais le son de sa voix, je ne l'ai pas jamais entendu. Oursette. Pourquoi ce nom, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une de ses amies qui avait trouvé ça, je ne sais pas. Ça fait partie des petits noms qu'on se donne, des petits noms tendres. Voilà. Un jour, vous partez vous découvrez cette région du Luberon, qui est une région encore un peu mystérieuse. Encore un peu, il y a des côtés un peu mystérieux dans le Luberon. Oui, enfin un petit peu moins maintenant, parce que c'est assez envahi. Disons qu'il y a un afflux de citadins qui sont tombés comme une sauterelle sur ce beau pays. Je ne regrette pas d'ailleurs, il est normal qu'il l'ait choisi puisque je l'ai choisi aussi. C'est une région qui garde une part de mystère, c'est vrai. À quoi ça tient, je ne sais pas, mais c'est vrai, il y a cela. Une partie de la Drôme participe également à ce mystère-là. C'est une région que nous ne connaissions pas. Nous passions quelques jours chez un ami qui habite près d'Avignon, et un jour on est allé visiter comme ça avec lui les environs. Nous sommes tombés amoureux de Gordes et nous avons loué pour l'année suivante une maison, et au bout de 2 années de location on s'est dit pourquoi pas acheter et construire. C'est ce que nous avons fait, nous avons acheté un terrain et construit une maison qui est très belle, on est fort bien, et où les chats étaient particulièrement heureux, vous vous en doutez, ils étaient libres comme l'air. C'est dans cette période que vous vous rendez compte que Catherine, c'est vraiment le mec, quoi. Elle ne vous laisse pas, quand il s'agit de rafraîchir un mur, de faire des remblais, des choses comme ça, c'est elle qui prend toutes les directives. Pas toutes les directives, non. Nous faisions les choses ensemble et d'un commun accord. Je lui ai appris à construire des murs. Hein. Et elle s'est pris de passion pour cet exercice. Elle adorait construire des murs. Il faut dire que dans le Luberon, il y a autant de pierres que de terre, probablement plus de pierres que de terre d'ailleurs. Et si on veut cultiver des plantes, des fleurs, n'importe quoi, il faut retirer les pierres du sol, c'est évident. Alors qu'est-ce que fait que faire des pierres quand on les retire du sol? Ben on en fait des murs. Vous verrez ça en Sardaigne, vous verrez ça dans les Talleyrand. Ces murets ne sont pas nés, c'est pas pour le simple plaisir de faire des murs. C'est parce qu'il faut bien faire quelque chose de ces pierres. Alors ça sert à délimiter des propriétés, des enclos, tout ce qu'on voudra. Et dans notre cas, ça servait à créer des bordures, et entre les murs de pierre, on plantait, bien entendu. Et c'est vrai que c'est passionnant à faire, faut choisir sa pierre, la soupeser, regarder s'il va avec celle qui est déjà posée. C'est très, très très amusant. Elle se passionnait pour ça et elle était très forte. Donc elle prenait des pierres très lourdes. Et voilà, on a fait ça presque jusqu'au dernier moment. Beaucoup d'énergie dans cette femme. Oui, une énergie folle, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous vous sentiez dépassé de temps à autre? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que tout s'est fait entre nous sur un pied d'une totale égalité. Il y a une complicité pour tout, d'ailleurs, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse des divertissements, qu'il s'agisse des promenades, des voyages. C'est la complicité, la connivence qui fait que nous nous entendions bien. On n'avait pas toujours les mêmes goûts, mais on partageait tout de même les mêmes valeurs, ce qui est tout à fait essentiel, et les mêmes plaisirs. Est-ce que de temps à autre, il vous arrive de vous prendre la tête, comme on dit vulgairement maintenant, c'est-à-dire d'avoir des engueulades, mais des engueulades qui ne durent pas? Avec Catherine? Avec Catherine. Ah non, jamais. Non. Ah non. C'était rare. C'est arrivé, bien entendu. Quel est le couple qui ne s'est pas un petit peu, de temps en temps, un petit peu chamaillé, surtout en 33 ans de mariage. Mais actuellement, non, sûrement pas, non. Alors, Catherine découvre... son cancer, oui. Avec vous, oui. Et puis, je veux dire, elle se fait la totale. Ah ben oui, ben on a commencé par dire, on va essayer de s'en sortir. Donc on a fait ce qu'il fallait, ça a commencé. En fait, c'était un cancer du primaire du foie qu'on a découvert qu'à la fin. Mais ma première manifestation, c'était l'estomac. Donc on lui a retiré l'estomac et puis bon, c'est une période extrêmement pénible parce qu'il pouvait presque plus manger, tout était pénible, l'œsophage d'abord, l'estomac ensuite, jusqu'à ce que le dernier examen révèle que c'était le foie finalement. Bon, alors il y a tous les gens qui autour d'eux ont quelqu'un qui a souffert de cette épouvantable maladie, savent ce que c'est, par quoi ils font en passer, quel genre de saloperie ont fait ingurgiter. On y est passé, c'est sûr, hein. Le diagnostic est fait par un médecin de Paris ou de Gordes? De Paris. Ah, le premier, le médecin de Gordes, c'est le docteur Nivière. Nivière, oui. Je peux dire son nom, c'est un merveilleux généraliste qui, hélas, a pris sa retraite. C'est le premier qui a décelé qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et qui a prescrit un examen qui, en effet, a révélé qu'il y avait un ulcère de l'œsophage. Mais par la suite, elle a été prise en main par des cancérologues, bien sûr, qui sont des amis, qui l'ont merveilleusement soignée. Mais que pouvait-on faire? Rien. Ils ont fait ce qu'il fallait, c'est tout. Vous parlez dans ce livre de l'hôpital Saint-Joseph, oui. De la gentillesse des accompagnants, des soignants. Absolument. Oui, mais en même temps, vous égratignez un petit peu l'inhumanité qui existe dans les hôpitaux. Oh, c'est pas le mot que j'emploierais, c'est pas l'inhumanité, non. Le personnel soignant est d'une qualité extraordinaire, qu'il s'agisse d'infirmières, des médecins, des brancardiers même, ils font ce qu'ils peuvent. Disons que ils sont quelquefois un petit peu submergés par le travail. Et la stupidité des 35 heures n'a rien arrangé. Quand est-ce qu'on va supprimer cette stupidité-là, je me le demande. Il serait temps d'arrêter les frais quand même. Ce qui fait qu'actuellement, effectivement, on manque d'infirmières, on manque des choses. On oblige les gens à s'en aller alors qu'ils voudraient bien rester. Bon, c'est sûr que ça pose des problèmes. Mais le personnel hospitalier, partout où je suis allé, est tout à fait exceptionnel de qualité. Bon, j'ai subi des tas d'opérations depuis la mort de Catherine, j'ai eu des tas de trucs, un disque, une prothèse de la hanche, un double pontage, on m'a retiré la valve aortique, enfin, que j'en ai subi aussi tant et plus. Et je dois dire que j'étais toujours très, très, très content des soins français. On ne peut pas dire autant dans d'autres pays. Alors, je retire ce mot inhumanité. Ah oui, oui. Que je ne faisais pas allusion au personnel soignant, mais l'inhumanité au niveau de l'accueil, des chambres, de... Oh, ça, c'est un peu inévitable. Vous arrivez dans une chambre. Vous me direz, on va à l'hôpital, c'est pas dans un hôtel 4 étoiles. Ben exactement. Mais est-ce qu'on pourrait faire quand même effort sur l'environnement? Je crois pas. Enfin, les hôpitaux que j'ai fréquentés, en tout cas, étaient à cet égard-là tout à fait convenables. La Riboisière aurait besoin d'un petit coup de plumeau, peut-être. Oui, la Riboisière, oui. C'est une question de crédit. Non, d'une façon générale, c'est bien tenu, c'est bien fait. Mais un hôpital est un hôpital. Ce n'est pas, c'est pas un 3 étoiles, comme vous le dites. Et par conséquent, c'est vrai qu'on rentre dans une chambre blanche, tout est blanc, c'est carrelé par terre, il n'y a pas les tapis d'Orient, c'est sûr. Mais enfin, ça, c'est normal, hein. Cette maison que vous avez achetée à Gordes. Non, qu'on a construite. Vous avez construite. Oui, oui. Oui, mais au départ, il n'y avait rien ou c'est... Ah, rien du tout. Vous avez monté des fondations jusqu'au... Ah oui, oui, absolument. Il y avait le terrain. Nous avons acheté une vue. Plutôt, Catherine a choisi une vue. Ouais. Une vue pour une femme de télévision, c'est normal. Absolument. On a 180 degrés sur les montagnes du Luberon. C'est extraordinaire, c'est la plus belle vue de Gordes, d'ailleurs. Et on s'est dit, bon, c'est là. Et c'est là qu'on va construire une maison. Donc on est parti de rien du tout. Est-ce que c'est elle qui vous apprend à faire la cuisine? Parce que ça va avoir... Non, c'est ma mère. Une importance... c'est votre maman. C'est ma mère. Ma mère était une merveilleuse cuisinière. Mon père était très gourmet. J'étais tout le temps fourré. J'étais souvent, pas tout le temps, fourré dans la cuisine en train de la regarder faire. Et elle m'expliquait les choses. Elle m'expliquait d'autant plus volontiers qu'elle partait du principe qu'un homme doit savoir tout faire dans une maison... Comme elle le disait, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu dois savoir repenser tes chemises et faire ta cuisine. J'ai en effet, je sais repenser mes chemises, je sais faire la cuisine. Et le reste aussi, d'accord. Et en plus de ça, c'est amusant. C'est amusant, ça m'amuse beaucoup d'inventer une recette, par exemple, ou d'améliorer une recette existante. C'est très amusant. Vous faites donc bien la cuisine. Je crois correctement. Vous vous évertuez à lui préparer de bons petits plans. Ah oui, bien sûr. Tout en passant de temps en temps chez des traiteurs que vous citez et que nous ne citerons pas pour ne pas leur faire de publicité. Mais ça, c'est un sujet important dont vous parlez dans ce livre. Catherine a des difficultés à manger. Oui, bien sûr. Et vous vous évertuez à lui trouver des mets, des plats qui vont lui apporter un petit peu de bonheur ou de répit. Absolument. Alors, sans vouloir citer... En effet, qui que ce soit, disons que autour de la Madeleine, il y a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un qui n'a pas d'appétit le retrouve. J'y allais assez souvent et je lui ramenais des petites gratteries sur lesquelles elle se jetait. Parce que là, à propos des hôpitaux, petit reproche quand même, la cuisine laisse à désirer très souvent. La cuisine laisse très souvent à désirer et elle laisse également à désirer le fait que l'on ne tient pas assez compte du régime que certains doivent avoir ou conserver. Donc, s'il fallait améliorer les choses, je crois que c'est de ce côté-là qu'il faudrait regarder, c'est la cuisine. Les qualités des menus, ça, oui, là, il y a encore à faire. Vous parlez d'une cône de porc qui est tellement dure qu'il n'y a même pas moyen de mettre la fourchette et le couteau à l'intérieur. C'est ça, oui, ça arrive, ça. Alors, voyez-vous, je mets un bémol à ce que je disais tout à l'heure à propos des hôpitaux. La cuisine, quand même, laisse à désirer. Dans beaucoup d'hôpitaux. Pendant tous. Et ça fait partie des petits plaisirs que l'on peut apporter à une personne hospitalisée, justement, évidemment. De lui apporter des plats qui sont un peu moins dégueux que ce qu'on peut trouver dans les cuisines d'hôpitaux. Évidemment. Et ça influe sur le moral de la personne. Non, mais certainement. Vous savez, après un bon repas, votre morale est meilleure, hein. Vous avez dû le remarquer, Jean-Claude. Oui, c'est vrai. Est-ce que Catherine est croyante? Ah bah oui, absolument. Nous le sommes tous les deux, bien sûr. Et croyante, quand je dis croyant, je parle de foi, mais votre foi, quelle est-elle à tous les deux, à cette période-là? Oh, c'est la foi du bûcheron. Nous ne sommes pas très pratiquants, hein, parce que, bon, pas très très pratiquants. De ce côté-là, il y aurait des approches à nous faire. Mais croyant, certainement. Et depuis tout le mois, je le suis, j'allais dire depuis mon enfance, parce que ma famille était très chrétienne, j'étais élevé par les frères des écoles chrétiennes. Et Catherine, c'était pareil. On croyait, on n'avait pas de doute là-dessus. Hein. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Est-ce que, avant la disparition physique de Catherine, vous avez parlé de la mort tous les deux ensemble? Ah ben oui, on en parlait. Vous parlez beaucoup tous les deux. Ah oui, oui, oui, on en parlait constamment. Je parle d'avant. Avant, non. Bah, c'était pas un sujet. C'est pas un sujet de conversation très courant. Hein. On en parle quand un ami ferme son parapluie. Alors là, oui, on était bien obligé d'en parler. Parce que c'est arrivé à quelqu'un qu'on aimait. Mais c'est tout. Non, autrement, non. Non, mais je ne parlais pas de la mort, Philippe Ragoneau. Je disais que tous les deux, vous étiez en totale communication, vous, des êtres humains qui êtes dans la communication, la télévision, la radio. Vous parlez beaucoup, tous les deux. Oui, certainement. Pas, oui. Pas forcément de la mort, mais vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup. Oui, bien sûr, oui. Oui, on s'efforçait de ne pas parler pour ne rien dire. Bon, c'est-à-dire qu'on parlait de ce qu'on faisait d'abord. Nous avions tous les deux des vies professionnelles extrêmement riches. Donc il y avait déjà, rien que sur ce plan-là, beaucoup d'échanges à se faire. Et on parlait donc de la journée de travail, mais on parlait de bien d'autres choses. Du dernier livre qu'on avait lu, de l'émission de télévision qu'on venait de voir. Oui, nous avions une vie, je crois, d'un couple normal, hein, qui s'aime, qui se comprend, qui surtout partage. Je crois que le mariage, c'est ça, c'est d'abord un partage. Après la mort de Catherine, j'ai plus aucune envie de voyager, de bouger, parce que, avec qui partager? À qui dire, regarde ce paysage, regarde comme c'est beau, regarde ce nuage qui passe, à qui le dire? On est là tout seul devant la beauté de la nature, et alors donc tout ça, c'est un goût qui est parti. Alors que avec Catherine, nous avons fait le tour du monde, nous avons visité des pays fabuleux. C'était un plaisir, parce qu'on partageait. L'amour, le mariage et l'amour, c'est un partage, essentiellement ça. On met tout en commun. Philippe Ragoneau, je vous ai dit que je vous avais préparé quelques surprises. Je ne vous ai pas dit lesquelles. Simplement, je vous demande d'écouter et d'entendre. D'accord. Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles? Oui. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où je trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire? Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Mais comment? Quand tu regarderas le ciel, oui. La nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, oui. Puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Et tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois la fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Le petit prince, non? Oui, le petit prince. Ah oui. Avec la voix de Gérard Philippe. Oui, oui, c'est charmant. Quel beau livre. Et en lisant votre livre, je ne sais pas, la connexion m'a fait penser à ce passage. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Un livre superbe. Étiez-vous là quand Catherine a rendu son âme? Oui, bien sûr, oui, ça, plus que jamais, bien sûr. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans la minute qui a suivi, nos deux chats ont sauté sur le lit et se sont couchés sur elle. Et ne l'ont pas quitté de la journée, les deux chats. Grand Mimi et Petit Lulu. J'ai fait une photo d'ailleurs de ce bouleversant spectacle. Ils ne l'ont pas quitté. C'est étonnant. D'ailleurs, bon, vous allez me dire, je parle beaucoup des chats. Parce que il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant avec Lulu, qui est un petit chat noir que nous aimions tendrement, et Catherine tout spécialement. Et après son départ, plusieurs mois après, j'étais dans ma cuisine à Paris, et avec les chats, et tout à coup Lulu s'est dressée, a couru vers le salon, tout le poil hérissé, sa queue avait doublé de volume, il était là, absolument hagard, il regardait. Je me suis vu en disant, quelqu'un est peut-être rentré dans la maison pendant que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je me suis approché, et à ce moment-là, j'ai entendu Catherine dire, « Je suis là. » Et le chat l'avait senti. Le chat l'avait senti. Donc, s'il fallait une autre preuve, à ajouter aux autres, celle-là, elle pèse lourd. Les derniers mots que vous dites à Catherine. « Il est 1h du matin, ma chérie. Nous sommes le 1er juin. Tu t'es bien battu comme un brave petit soldat que tu as été toute ta vie. Tu as gagné, mais maintenant tu peux lâcher la rampe. Ne lutte plus. Laisse-toi aller. Oui, nous rejoindrons tout à l'heure, de l'autre côté du miroir. » Oui, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Cocteau parle du miroir. Oui. Et le montre. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes promis tous les deux pour vous retrouver après? On s'est promis ce que vous venez de dire, de ne pas nous quitter, de rester ensemble, de continuer la vie autrement. On continue la vie autrement, c'est la seule différence. La différence, je ne la vois pas, je ne peux pas la toucher, mais je l'entends quand elle me parle, elle m'entend quand je lui parle, quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Quand je cherche avec ma voiture une place pour me garer, je crois que Jean-Claude vous aussi, elle me dit, ne t'en fais pas, je vais te trouver ça. Un jour, je lui ai demandé, mais comment fais-tu? Est-ce que tu déplaces une voiture? Je lui ai dit, non, je n'ai pas le pouvoir de prendre une voiture dans mes deux bras puissants et de la sortir de là. Mais simplement, je vais voir dans les rues adjacentes ce que toi, tu ne peux pas faire. S'il y a une place de libre, je reviens te le dire. Et je te dis, tourne à droite, tourne à gauche, la voilà. Et effectivement. Vous aimez conduire dans Paris? Oui, bien sûr. Et pendant des mois, je n'ai pas eu de problème de parking. Elle me trouvait toujours une place pour garer. C'est-à-dire qu'elle allait plus vite. Mais bien sûr, elle est aussi vite qu'un esprit peut aller. Elle allait voir ce qui se passait autour. Elle me disait, ici, il y a une place. Et elle venait me dire, prends la rue de droite, tourne à gauche, reprends à droite, et voilà la vraie place. Et elle y était là. Elle avait inventé le GPS, bien avant. Exactement. Exactement. La mort de Catherine est un drame dans votre vie, mais il y en a d'autres. Je pense à Alain, votre fils. Oui. Ah ben Alain s'est suicidé à l'âge de 26 ans, et j'ai totalement approuvé son geste. Il a eu un accident de mobylette très grave, et il était resté hémiplégique. Et puis, à l'hôpital où il était soigné, il avait surpris une conversation entre un médecin et une infirmière, et le médecin disait à l'infirmière, maintenant c'est la paralysie totale qui guette, on ne peut plus rien faire. Or Alain était fiancé, et sa fiancée qui savait dans quel état elle était, bien sûr, lui avait dit, mais pour moi ça n'a pas d'importance, je t'épouserai quand même. Mais lui n'a pas voulu que sa femme pousse un infirme dans une petite voiture pendant toute sa vie, et il s'est pendu un rideau de sa chambre. Il a eu raison de le faire, c'était un geste courageux et généreux, car la jeune fille en question, quelques années plus tard, a rencontré un autre homme, un autre garçon très gentil, elle l'a épousé, elle est heureuse, elle ne l'aurait pas été. Est-ce que la disparition physique de Catherine a rapproché les liens de cette famille? Parce que vous avez eu une première épouse et puis une autre épouse, la deuxième épouse c'est Catherine. Oui. Est-ce que ça a rapproché les liens familiaux? Je pense à Sylvie. Je ne peux pas, faudrait le leur demander. Non, les liens familiaux ont toujours été très forts, très très forts entre nous. Non, ça n'a pas changé grand-chose. La maman de mes deux filles, et de mes trois enfants, j'en ai plus que deux, était elle aussi une femme extraordinaire que j'avais connue dans le maquis. J'étais parachuté le 6 juin sur le maquis de Saint-Marcel et elle était agent de liaison de ce maquis. J'ai failli lui tomber dessus d'ailleurs, et heureusement que je suis tombé à côté. Cette fille extraordinaire qui a fini la guerre avec la Légion d'honneur et la médaille de la résistance et la croix de guerre, ce qu'il faut le faire quand même quand on est une femme. Et donc, nous étions mariés et ça allait très bien, tout allait très bien. Et elle aussi est morte du cancer en 1958. Elle n'a donc pas vu le retour de De Gaulle au pouvoir. Je vous ai fait parvenir votre propre livre qui va être réédité. Nous sommes en plein dans l'actualité ici et maintenant. Je ne le savais pas avant de vous appeler. Je vous ai fait parvenir le livre qui date de 1995, paru aux éditions du Rocher. Et il y a un poème de Charles Péguy que j'aimerais vous entendre lire. La mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton solennel ou triste. Continuez à me dire, continuez à rire de ce qui nous a rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé, simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 Ici et Maintenant.com. Pour ceux qui nous écoutent et nous suivent sur Internet, et ils sont très nombreux à être connectés, Philippe Raguenaud, vous venez de lire ce poème de Charles Péguy. Catherine décède. Et vous faites à ce moment-là quelque chose d'assez incroyable. Vous la prenez en photo. Pourquoi ? C'est l'épisode que je vous ai raconté tout à l'heure. Les deux chats qui viennent se coucher sur son corps. Qui la protège, qui sont là, l'un sur les jambes, l'autre sur la poitrine, et qui de toute la journée n'ont pas bougé. Ces deux chats qui avaient tout senti et tout compris. C'était bouleversant. Et j'ai voulu garder cette image. C'est une image forte. C'est aussi une image d'amour, car elle aimait ses chats et ses chats l'aimaient. Donc je crois que cet extraordinaire symbole de ce qui peut se passer entre les bêtes et nous, lorsque nous les aimons et lorsqu'elles nous aiment, c'est quelque chose de très fort. Je tenais à le garder. Oui. Vous faisiez allusion à la réédition. Je précise que c'est le 27 mars que le livre sera dans les librairies, avec un gros chapitre supplémentaire que j'ai ajouté à l'édition que vous avez. Donc c'est un livre plus complet, un tout petit peu plus complet. Il n'y a pas de révélation sensationnelle nouvelle, parce que Catherine m'a dit, je t'ai dit tout ce que j'étais autorisé à te dire. Il y a des zones d'ombre, mais qui sont volontaires. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Il y a des tas de raisons pour cela. Je ne peux pas te les dire. D'abord, si on savait tout et si on était sûr de tout, de quel mérite serait la foi ? La foi, c'est croire sans comprendre. Bon, donc par conséquent, il y a des choses qu'elle a tue, notamment sur ce qu'elle fait là-bas. Elle m'en a dit un petit peu quand même. Ils sont très occupés, paraît-il. Mais elle n'a pas dit grand-chose là-dessus. Mais quand je lui demandais des descriptions, par exemple, des lieux, elle me dit, ça, je peux pas te le dire. Sache simplement que toutes les beautés de la Terre sont réunies ici. C'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Voilà. Mais il y a quand même, j'ajoute dans ce chapitre, que nous roulons un certain nombre de précisions. Et surtout, dans ce chapitre, je supplie mes lecteurs de ne pas s'imaginer que je suis un gourou. Je n'ai aucun pouvoir spirituel, je n'ai aucun droit. J'ai été le truchement d'une communication. J'ai été le porte-plume de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. C'est tout. Je ne peux rien. Catherine ne peut pas non plus faire des miracles. Elle n'est pas le bon Dieu. Elle peut aider, elle l'a fait, bien sûr. Mais ceux qui ont besoin de son aide le lui demandent directement déjà. Ils n'ont pas besoin de mon intermédiaire pour cela. Mais je leur dis surtout cela. Hein. Je suis très. Il y a tellement de charlatans dans cet univers, dans cet au-delà. Il y a tellement de gens qui ont raconté des histoires et qui ne sont pas vraies, qui ne tiennent pas debout, et qui ont voulu faire passer de soi-disant messages avec de soi-disant révélations, que on devient méfiant. Moi, ce que j'ai dit n'est rien d'autre que ce qui m'a été dicté par quelqu'un que j'aime et qui est à côté de moi et qui m'a dit voilà ce qu'il faut dire à ceux qui sont restés en bas. Surtout ne désespérez pas, la mort est un passage. Vous vous retrouverez tous. Et en attendant de vous retrouver, nous, vos absents, nous sommes près de vous, tout le temps. Nous vous écoutons, nous vous voyons, nous vous observons et dans toute la mesure du possible, nous vous protégeons. C'est ça que je voulais dire, mais ça s'arrête là, je ne peux rien faire de plus. Est-ce que le chagrin, ça vient après ? Le chagrin vient toujours un peu après. Sur le moment, c'est le choc, ce grand choc. c'est un coup de massue sur la tête. Et puis, il y a toutes ces occupations matérielles qu'il faut assumer, les faire parler, tout cela. Et c'est après que tout à coup, la solitude vous envahit, qu'on s'aperçoit qu'on est seul. C'était mon cas pendant 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, à partir du moment où la communication s'établissait, j'avais cessé d'être seul. C'était très différent. Sans dévoiler le livre, quel est le premier signe concret qui vous met, on va dire, le cul par terre, oui, qui fait que Catherine est réellement en communication avec vous? Ça s'est passé à Gordes. J'étais en haut, près de la piscine, je regardais mes chats jouer, il faisait beau, il y avait un ciel magnifique, la température était de rêve, et tout à coup j'ai perçu, j'ai entendu, mais comme si elle l'avait dit à mon oreille, « Est-ce que tu es bien le Tintouin ?» Et là c'était tellement les mots qu'elle aurait dit, la tonalité qu'elle aurait utilisée, que j'ai compris que là, la communication allait être établie. Bon, par la suite, je me suis remis à douter, bien entendu, parce que, on l'avait dit, je suis quelqu'un de plutôt terre-à-terre à cet égard-là, méfiant, très méfiant. On a tellement raconté de calembre d'Aine à propos de tout cela. Et j'avais besoin d'une preuve, elle l'avait senti, elle savait que j'avais besoin d'une preuve. Et j'avais oublié mon chéquier. J'ai oublié mon chéquier à Paris. Je m'en souvenais très bien de l'avoir oublié parce que je me revoyais le mettant dans le tiroir où il est d'habitude. Ce chéquier, j'en avais absolument besoin. Catherine était là, on bavardait et je lui disais, c'est idiot, je vais téléphoner à mon frère pour qu'il aille, il a les clés de l'appartement, qu'il aille à l'appartement, qu'il prenne mon chéquier et qu'il me le poste. Et elle m'a dit, non, à ce moment-là, je me suis levé spontanément. Et je suis allé vers la voiture, et le chéquier était dans la voiture, sur le sol de la voiture, et c'est elle qui me l'avait rapporté. Bon, ne me demandez pas comment, de quelle manière, etc. Bon, est-ce que les objets bougent, est-ce qu'ils bougent pas, est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire... Bon, apparemment oui, hein, parce que c'est pas la première fois qu'elle me fait ce coup-là. J'ai perdu mes clés plusieurs fois, et chaque fois je les ai retrouvées d'une façon tout à fait étonnante, là où précisément je ne m'attendais pas du tout à les voir. Donc par conséquent, je suis très humble devant ces mystères maintenant, j'ai appris à l'être en réalité. Donc maintenant j'accepte ça avec le sourire, je la remercie, je dis très mignon, merci beaucoup. C'est elle qui rentre en communication avec vous, ou c'est vous qui lui parlez d'eux? Comment ça se passe? Je vous disais tout à l'heure, nous avons deux moments, deux possibilités où j'ai vraiment besoin de son conseil, de lui demander son avis, et qu'est-ce que je dois faire. Et à ce moment-là, je l'appelle. Et à ce moment-là, elle réagit tout de suite en disant « Oui, je suis là, de quoi s'agit-il » J'ai vraiment laissé l'avance d'ailleurs, comme s'il habitait mon cerveau. Ou alors, j'ai un problème sérieux qui me traite tarabuste. Ou je m'apprête à faire une chose qui est pas opportune, qui est dangereuse. Et à ce moment-là, c'est elle qui intervient, en disant non, fais pas ça. Et voilà. Donc, la communication s'établit dans les deux sens, hein, tantôt elle, tantôt moi. Est-ce que Catherine n'a parlé qu'à vous, ou elle, Il y a d'autres personnes à qui elle a parlé ou je pense à Thérèse. Elle a parlé à Thérèse. Thérèse était son infirmière, une fille merveilleuse. Elle appartient à la Chalet. La Chalet, c'est l'hôpital à domicile. C'est une institution remarquable qui s'occupe des malades en fin de parcours. Ils font de l'accompagnement d'une façon merveilleuse. Et elle aimait beaucoup que Thérèse. Et Thérèse, je l'avais invitée à venir à Gordes passer quelques jours. Et nous visitions les ocres de Roussillon. Et Thérèse marchait devant moi, derrière moi, je ne sais plus. Il y a un moment donné, il s'est trouvé un embranchement. Non, c'est ça. Moi, j'étais resté en arrière et je lui ai dit, allez voir Thérèse, c'est très joli. Moi, je connais par cœur. Et elle avait un embranchement et elle a failli prendre le sentier d'en bas. Et à ce moment-là, elle a entendu Catherine lui dire clairement, non, pas par là. En effet, ce sentier est extrêmement dangereux. Il bordait un pic très, très, très périlleux. Et Catherine l'a empêché de le prendre. Non, pas par là. C'est à ma connaissance la seule personne qui a perçu les mots de Catherine. Peut-être y en a-t-il d'autres, je ne sais pas. En tout cas, elles ne me l'ont pas dit. Mais en tout cas, pour Thérèse, c'est certain. Elle est revenue tremblante en me disant « Je l'ai entendu ». Elle m'a dit « Non, pas par là ». Il y a un autre épisode dont vous parlez dans ce livre. Un jour, vous prenez un vol plané, mais alors... C'est-à-dire, c'était la nuit, j'étais seul à Gordes, hein, il n'y avait personne, avec les chats, bien sûr. Et j'avais été arrêté l'arrosage de la pelouse, et j'ai posé le pied sur une pierre branlante, et j'ai fait un vol plané sur l'escalier pierre. Bon, je me suis relevé, ça va, je me suis tâté, bon, ça va. Je suis plutôt dur au mal, hein, je suis pas douillet. Bon, je suis rentré... Et j'ai dit à Catherine, elle dit, j'avais pris un sérieux coup. Je me suis massé, ce qu'il fallait sûrement pas faire, et je me suis couché. Catherine m'a dit, téléphone tout de suite au docteur. Moi, je dis, non, écoute, j'ai rien, demain j'aurai quelques bleus. Non, téléphone au docteur. Bon, je l'ai fait, le tout bébé est venu, et j'avais 4 côtes cassées nettes. Donc à ce moment-là, on a pu les soigner, mais c'est elle qui a exigé qu'elle savait qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, quoi. Parce que moi, je ne savais pas, ou je ne le croyais pas. Est-ce qu'il y a des moments où Catherine, non, on ne va pas dire vous engueule, mais est-ce qu'elle vous dit, aujourd'hui, tu ne t'es pas beaucoup occupé de moi, tu n'as pas pensé beaucoup à moi? Non, pas ça, mais de temps en temps, elle me fait des petites remontrances, oui. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'avais mis la même chemise 2 jours de suite. Elle me dit, écoute, toi, tu n'es pas très propre, la chemise, regarde ton col. Bon, et en effet, bon, bah, j'en ai été prendre une autre. Alors ça arrive, ça, oui, ça arrive. Mais enfin, plus rarement maintenant, hein, je veux dire que actuellement, pour les raisons qu'elle m'a dites et que je ne comprends qu'à moitié, bon, je sais qu'elle m'a parlé des cercles de lumière, et elle me dit, il y a des cercles de lumière, on les gravit les uns après les autres, jusqu'à la rencontre finale avec Dieu. Bon, pourquoi les gravitons, ça elle n'a pas voulu me le dire, je suppose que c'est qu'on approfondit la connaissance de Dieu au fur et à mesure que l'on s'en approche, oui, cela. Là-dessus, elle était très discrète, comme sur d'autres sujets. J'ai perdu le fil, figurez-vous. Elle ne vous a jamais parlé de sa rencontre avec Dieu ou de sa quête vers Dieu? Non. Ça, je crois qu'on est dans la zone interdite. Elle considère, elle me l'a dit, il y a des choses qui sont zone interdite pour ce qui concerne notre communication. Je ne pourrais pas te le dire. Il y a d'autres, non. Il y a d'autres avec elle, elle dit ça, je peux te le dire. Bon, il y a tout de même beaucoup de choses dans ce livre, je crois, qui concernent cet au-delà, et il y en a suffisamment, en tout cas, pour que... on fasse des découvertes, mais il y a cette zone d'ombre volontaire, cette zone d'ombre, ce qui doit rester comme cela, et elle me dit, ça tu le verras en arrivant, hein. Quelquefois je pose une question à l'Israël, elle dit, tu le verras en arrivant. Bon. Je respecte ça, voilà. Vous parlez d'ombre, peut-être n'est-elle pas encore complètement dans la lumière, elle... Je crois que si, elle l'est. Vous savez, elle est morte en 94, je crois que maintenant... si elle n'est pas sur les genoux du bon Dieu, l'Europe en est très loin. Hein. Non, je crois que de ce côté-là, elle me dit en tout cas que, à côté de la vie que nous avons, la sienne, c'est l'épanouissement total, le bonheur absolu. Et nos absents, je tiens à le dire quand même, n'aiment pas nous voir pleurer sur eux. N'aiment pas nous voir pleurer sur eux. Mais pourquoi pleurez-vous? Je suis heureux. Je suis heureux là où je suis. Tout va bien. Je ne souffre plus. Je n'ai plus de problème. Je n'ai plus de maladie. Je baigne dans le bonheur. Et vous pleurez comme si vous regrettiez. Que si vous regrettiez cela, mais ne le regrettez pas, félicitez-vous, au contraire, que je sois heureux, que je sois tranquille, que je sois libéré de tous les problèmes que je connaissais sur Terre. Ça, c'est un sentiment humain, Philippe Ragoneau, que de penser que ceux qui nous ont quittés et que nous avons aimés ne sont pas forcément heureux. On s'inquiète toujours un peu pour les gens qu'on aime. Oui, mais moi, je peux vous dire, d'après le témoignage de Catherine, que... À part M. Hitler et quelques bonhommes de genre, les gens qui sont de l'autre côté sont follement heureux, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup plus d'indulgence qu'on ne le dit parfois. Je reparle de mon fils qui s'est suicidé. Le prêtre qui l'a enterré, religieusement bien entendu, a dit « mais c'est un acte d'une immense générosité. Alain est allé au paradis tout droit, c'est... » Uniquement la générosité qui l'a guidé, c'est pas du tout la paresse de vivre ou la fatigue de vivre, c'est la générosité. Et rien que pour ça, il va toujours au paradis. Bon, ça, faut le savoir. Quand Catherine vous parle, est-ce qu'elle vous parle quand vous êtes tout seul ou dans des lieux publics? Non, généralement quand je suis seul. Oh, c'est arrivé qu'elle... Philippe Ragoneau, quand vous allez faire des courses dans un hypermarché de temps en temps... Ah oui, dans les lieux publics, certainement. Oui, dans les publics, ça arrive, ça, oui. C'est arrivé. Pas très souvent, mais c'est arrivé, bien entendu. Oui, ça arrive. Et puis, de façon quelquefois inattendue, totalement inattendue. Par exemple? Je n'ai pas d'exemple. Enfin, j'en aurais mille. Bon, quand je fais les courses et que je suis sur le point d'acheter quelque chose que mon cholestérol devrait m'interdire, elle me dit « je ne le conseille pas ». Elle vous reproche de temps en temps d'être un peu dépensier aussi? Non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas, non. Non, je vais yoga. Hein. Non, pas de problème de ce côté-là. Est-ce que Catherine continue de vous parler depuis... Depuis la parution du livre, est-ce qu'elle vous a donné un avis sur ce livre? Est-ce qu'elle vous a dit qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bon, elle m'a dit ça va, tu n'as rien trahi, c'est bien ce que je t'ai dit. Elle a corrigé, les trois choses que j'avais écrites. Premier jet, elle me dit non, je n'ai pas dit ça. Mais d'une façon générale, elle me dit c'est tout à fait conforme. J'ai eu d'autres avis qui m'ont beaucoup touché. Ceux de plusieurs évêques et de deux théologiens qui m'ont dit tous, il n'y a rien dans ce livre qui soit contraire à nos enseignements, rien. C'est très rassurant parce que quelquefois j'avais des doutes. Lorsqu'en particulier je dis que Catherine a retrouvé les animaux qu'elle aimait, son chien et son chat, au moment où elle me l'a dit... je lui dis, écoute, est-ce qu'on va me prendre pour un affabulateur, là, est-ce que ça colle, les animaux au paradis Et j'en ai parlé un jour, j'ai fait cette réflexion, lorsque je faisais une conférence un jour, à laquelle assistaient deux théologiens, et l'un d'eux s'est levé, on dit, monsieur Ragoneau, si vous doutez, ça prouve que vous ne connaissez pas les Écritures, parce que c'est écrit noir sur blanc. Je ne sais, il ne m'a pas dit dans quoi d'ailleurs, j'aurais dû lui demander, je me serais précipité sur le livre en question, mais je ne le sais pas. En tout cas, il paraît que c'est vrai. Voilà. Et Catherine a eu à cet égard une très très jolie phrase, elle dit « Tout ce qui est une miette d'amour a sa place ici ». Ça veut dire que les animaux qui nous ont aimés et que nous avons aimés ont leur place auprès de nous. Voilà. Le critère c'est ça, c'est l'amour, toujours. Voulez-vous dire que c'est tant qu'on est vivant qu'il faut se dire « je t'aime » ? Ben, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, mais on ne se le dit pas peut-être suffisamment. On a tort de ne pas le dire suffisamment. Mais vous savez, bon, il y a des choses qui sont sans être dites. On peut s'aimer sans se le répéter tous les matins. Hein, ça, c'est sûr. Une façon, quand on s'aime, on s'en rend compte tout de suite. Hein, la façon de se comporter, la façon d'être. Vous écrivez ce livre, une fois qu'il est terminé, oui. Est-ce que vous avez l'assurance que Catherine l'a lu relu, est-ce qu'elle a amené des corrections? Non, elle l'a lu au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'écrivais, elle était regardait par-dessus mon épaule, ou peut-être de là-haut, parce qu'ils ont des dons que nous ignorons, ils peuvent faire des choses que nous ignorons, ils peuvent en particulier faire plusieurs choses à la fois, ce que nous ne savons pas faire. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais, elle savait ce que j'écrivais. Je suis très embarrassé quelquefois pour exprimer des choses qui ont trait à cette communication parce que je n'ai à ma disposition que des mots de terrien. Or, c'est un autre univers où les notions sont différentes, les dimensions sont différentes, le vocabulaire est différent. Alors ces mots ne s'appliquent pas toujours à une situation telle que celle que j'essaye de décrire. C'est comme ça, hein, je n'ai pas d'autres mots à ma disposition. Avant la disparition de Catherine, aviez-vous lu d'autres livres? Non, jamais. Au père François Brune qui a écrit Les morts nous parlent. Non, on me les a conseillés, on m'en a parlé. Je suis certain que ce sont de bons livres. Mais Catherine m'a dit de ne pas les lire. Sans doute pour ne pas risquer d'être influencé d'une manière ou d'une autre ou de rajouter quelque chose qui n'appartiendrait pas à notre propre histoire. Elle voulait que ce que je raconte soit authentique, soit fidèle, soit vrai. Et elle ne voulait pas, par conséquent, qu'il y ait autour, avant ou à côté, quelque chose qui ne soit pas nous. Donc elle m'a dit, ne les lis pas. Je ne mets pas en doute ces ouvrages, du tout. Mais je confesse que je ne les ai pas lus. Est-ce que maintenant vous êtes convaincu, Philippe Raguenaud, qu'après la vie, il y a encore la vie? Bah, bien sûr. Vous dites bien sûr. Je l'étais avant, cher Jean-Claude. J'étais convaincu avant, je l'ai toujours été convaincu qu'après la vie, il y a une autre vie. Donc pour moi, c'est pas ça la découverte. La découverte, c'est que même comme cela, on peut communiquer avec celui qui est parti. Voilà. Je ne suis pas un cas unique, vous savez. Il y a d'autres cas, nombreux. Dire que c'est très courant, non. Ça reste relativement rare. Et bien très rare, c'est vrai. Ce type de communication et cette qualité de communication, surtout, c'est rare. Mais je ne suis pas du tout un cas unique. Si j'étais un cas unique, tout le monde pourrait mettre en doute cette espèce d'histoire qui serait sortie tout droit de mon cerveau. C'est pas le cas. Parmi vos rencontres, je vais revenir un peu en arrière. Parmi vos rencontres, vous avez rencontré Jean Moulin. Oui. Qui avait un pseudonyme à ce moment-là, il en a eu. Max, oui. Max. Oui. Moi, je l'ai rencontré en décembre 41, c'est ça, à Marseille. J'avais créé un mouvement de résistance. Le 17 juin 40, j'ai créé un mouvement de résistance, la veille de l'appel du général. Et j'avais décidé, j'étais arrêté à Lyon par la police française, fort mon luxe, 6 mois avant. Bon. Et à ce moment-là, j'avais décidé d'amener mon organisation, mon mouvement, à d'autres qui existaient déjà, de façon à ce que nous nous rapprochions un petit peu les uns des autres. On ne pourrait pas travailler chacun dans son coin. Et donc j'avais amené mon mouvement à Freinet, et Bertie Albrecht, en lui disant, on va se mettre ensemble, je vous apprends un mouvement, il est important, il marche bien, le vôtre aussi, bon. Et j'avais dit cela à Freinet, en disant, à Moulin, en disant, je crois qu'il faut surtout unifier la résistance. Bon, ça l'a peut-être un peu influencé, c'est vrai. Je l'ai revu par la suite à Lyon, il s'appelait Max à l'époque, c'était son diminutif. Puis ensuite, je l'ai perdu de vue, parce que j'ai dû filer en Algérie, moi, j'ai la police, mais me coua de nouveau derrière, donc j'ai dû passer de l'autre côté de la Méditerranée. Et vous pensez que Catherine se trouve avec Jean Moulin, pas loin? Est-ce que Catherine vous a dit que tous les êtres se retrouvaient? Sans parler des animaux, on va rentrer dans les histoires de Tiburce, c'est très d'actualité aussi, les chats, la symbolique, les oui. Chats qui sont des animaux très, très perceptibles. À l'au-delà. Oh, c'est des animaux mystiques. Le chat est, à mon avis, de toutes les bêtes, celle qui est la plus près de son créateur. Je n'en veux pour preuve que ce sixième sens des chats les chiens l'ont à un certain degré, certains chiens, pas tous, et à un certain degré seulement. Je n'en veux pour preuve que ce sixième sens. Je crois que Dieu a gâté le chat et lui a donné des pouvoirs et qui sont extraordinaires. Ça, je le pense profondément. C'est pour ça que j'ai toujours été très attaché au chat, c'est sûr. Maintenant, qui rencontre-t-elle là-bas? Mais la foule, tout le monde. Et d'abord, ses amis. Tous ses amis, bien sûr. Là, ils disent, quand je suis arrivé, c'était la fête. C'était la fête. Tous ceux qui m'ont précédé là étaient là, c'était le joyeux. C'était bon. Ça, bon, j'en suis tout à fait convaincu. Mais, encore une fois, j'en suis convaincu depuis l'enfance. Donc, ça n'a pas été ça, la découverte. Hein. Ça n'a pas été ça. Alors, quelle a été cette découverte? Ben justement, que la communication existe. Voilà, c'est ça, oui. Ça, je ne pensais pas... Au-delà de... Oui, je ne pensais pas que j'arriverais... Je doutais de pouvoir arriver à communiquer avec Catherine. Elle paraissait, elle, en être sûre. Bon, mais elle était mieux placée que moi, bien entendu, puisqu'elle était arrivée là-haut. Elle avait un sérieux avantage. Mais moi, j'en doutais beaucoup. Alors, la découverte, c'était que oui, ça existe, c'est possible. Alors, beaucoup de lecteurs me disent, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en communication avec celui que je viens de perdre, mon mari, mon enfant, etc. Je lui dis, je ne sais pas, et là, je ne sais pas. Moi, tout simplement, je peux vous dire comment nous avons fait, nous. On s'aimait, ça, point de départ, ça c'est sûr, postulat de base. Bien, en dehors de ça, on a décidé qu'on le voudrait, et on a, l'un sur terre, l'autre là-haut, et on a prié pour cela, d'ailleurs, et on y a cru. Et puis c'est arrivé. Alors, voilà, la plupart des gens n'ont pas pensé qu'on pouvait s'y préparer de cette manière-là, ou pensé que c'était possible, ou pensé que ça arriverait. Ils disent, bah oui, mais on n'en a pas parlé. Mais ça peut arriver quand même, hein, comme ça. Et puis, il y a des signes. De temps en temps, nos absents, c'est un mot que j'aime bien, je préfère nos absents, nos défunts, hein. Nos absents nous donnent des signes et on ne les voit pas. Plusieurs lecteurs me l'ont dit. L'un m'a dit, tout à coup dans la chambre, le parfum de mon mari a flotté dans la chambre. C'était un signe. Une autre lectrice m'a dit que une lampe s'était allumée sans qu'elle l'ait touchée, puis éteinte, puis de nouveau allumée. C'était également un signe. Il y a quelquefois un bruit de pas. Bon. Alors, il faut éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est de prendre pour un signe ce qui ne l'est pas. Le vent qui fait battre un volet, par exemple. Et l'autre écueil, c'est de ne pas croire que le signe, la chose mystérieuse qui vient de survenir, c'est de ne pas croire que c'était un signe. Donc, faut éviter ces deux écueils. Hein. Ni trop de confiance, ni trop de méfiance. Être attentif, c'est déjà pas mal. Mais je crois que enfin tous ceux qui restent, reçoivent plus de signes qu'ils ne le croient. Mais ils ne les voient pas ou ils n'y croient pas. Est-ce que Catherine vous a senti angoissée? Est-ce que vous a pas un moment parlé de l'angoisse? Angoissée, à quel point de vue? Non. Angoissée pourquoi? De savoir si elle était heureuse là où elle est? Ah non, j'ai jamais eu l'ombre d'un doute là-dessus non plus. Autant je savais qu'il irait tout droit, peut-être un petit passage par le purgatoire. Bon, encore que dans son cas, le purgatoire, il était sur Terre. Autant j'étais sûr de cela, autant j'étais sûr aussi que là-bas, on est heureux. D'une façon qu'on ne peut pas nous imaginer. Et vous le dites, je n'ai plus d'angoisse. Non, bien sûr. Si vous voulez, tous les sentiments négatifs que nous avons sur Terre, l'envie, la jalousie, l'angoisse, la peur, la colère, tout ça, c'est terminé, ça disparaît complètement. Ne reste plus que les sentiments positifs, tout ce qui est positif. Voilà, ça c'est une grande règle, ça me l'a dit clairement, je ne sais pas si je l'ai clairement exprimé dans le livre, mais en tout cas c'est ça c'est vrai. Aucun sentiment négatif, aucune action négative, n'a lieu là-haut. Que du positif. Et du positif dans le bon sens. Cette émission s'appelle Plus près des étoiles. Est-ce que vous avez pris l'avion ensemble? Oh oui, souvent, bien sûr. Des quantités de fois. Je veux dire, on a fait deux fois le tour du monde. Parce qu'à un moment donné, dans ma carrière, On m'a demandé de reprendre en main les stations d'outre-mer. Nous avons les stations de télévision et de radio un peu partout, dans les Antilles bien sûr, La Réunion, Djibouti à l'époque, Guyane, bon. Et ça allait très mal, Terre-Neuve, bon, Saint-Pierre-et-Miquelon, ça allait très mal, il y avait un mauvais climat, et en dehors de mes... Donc, on m'a demandé, pendant un certain temps, d'abandonner mes fonctions de patron des programmes, et d'aller remettre un peu d'ordre là-dedans. C'est à peu près cette période-là, on a passé à Catherine commande de reportage. Et je lui dis, écoute, les reportages en France et dans l'outre-mer. Je lui dis, écoute, tant qu'à faire, faisons coïncider nos voyages. Tu vas faire un reportage de 4 émissions là, à La Réunion. Je dois y aller aussi. Faisons en sorte que ce que j'ai à y faire, ce que tu as à y faire, se fasse aux mêmes dates. Ça nous a amené à nous promener comme ça, à travailler comme ça, la main dans la main. On a eu La Réunion, les Comores, Djibouti, les Antilles, la Guyane, tout ça. Bon. Et on prenait l'avion, avec l'avion, on n'avait pas y aller à la nage, bien entendu. Et nous aimons beaucoup l'avion, l'un et l'autre, donc ça nous dérangeait en rien. Et là, il n'y a pas eu d'angoisse non plus, non. Je vous ai simplement posé cette question par rapport à ce qui va suivre. Maintenant, Orly, Philippe Raguenaud, vous vous sentez bien pensif en écoutant cette chanson. Elle est superbe. C'est un grand poète quand même. La chanson a eu 2 grands poètes, Brel et Léo Ferré. Ce sont vraiment des textes magnifiques. Indépendamment de la musique, bien sûr, qui est superbe. Et l'arrangement, l'orchestration doit être de Gorriguer aussi, je suppose. Il y a énormément de talent. Avec François Robert. Oui. Ces deux-là se tiennent par les yeux. Oui, c'est une phrase qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on se tient par la main, oui, et se tenir par les yeux, c'est plus fort, c'est ce que vous avez vécu avec Catherine. Oui, bien sûr. Oui, c'est une expression qui est très juste. Se tenir par les yeux, c'est voir, se regarder vraiment pour se voir, et pas seulement pour ouvrir les paupières. Vous avez dit tout à l'heure que la voix telle que vous l'avez entendue du temps de son vivant, vous n'avez plus jamais réentendu voix. Non. Les mots sont les mots qu'elle utilisait habituellement. Donc, je reconnais le style, si vous voulez, sa façon de parler, le choix des mots, le choix des phrases. Bon, mais le son de la voix, je ne l'entends pas. Comme je le disais tout à fait au début de l'émission, les mots m'arrivent dans la tête comme si je me les disais moi-même. Mais c'est tout. Mais de façon tellement claire et tellement audible, si je puis dire, le mot n'est pas celui qui convient, qu'aucun doute ne peut être permis. Elle a des expressions que je n'imaginerais pas. Elle dit des choses qui ne sont pas dans ma façon de parler, qui ne sont pas dans mon vocabulaire. Donc tous ces signes prouvent bien que la matérialité de cette communication n'est pas imaginaire. Je pourrais penser au début. Je fais les questions, je fais les réponses. Ça, j'ai pensé plusieurs semaines, jusqu'à ce que l'évidence m'ouvre les yeux. Donc, vous êtes parfaitement conscient que vous n'êtes pas victime d'une hallucination auditive, quelle qu'elle soit. En plus de ça, il y a tous les clins d'œil, tous les signes qu'elle m'a donnés. Je vous citais ce chien qui revient, mais il y a Lulu, ce petit chat, qui la sent dans le salon alors qu'elle est là et qu'il ne peut pas la voir. Mais il l'a senti, parce que les chats ont cette espèce de prescience, quelque chose que nous n'avons pas, qui font que pour eux c'est évident. Ça, il n'y aurait que cela, ça suffirait pour authentifier la présence de Catherine. Qu'est-ce qui est le plus difficile de vivre maintenant ici, la présence ou l'absence? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Parce que il n'y a plus d'absence, si vous voulez. L'absence, telle qu'on la conçoit, est abolie. Bon, l'absence, oui, je vais un petit peu trop loin dans la mesure où elle n'est pas là tout le temps. Je ne la vois pas. Tout ça est vrai. Mais le fait que je peux, si vraiment j'en ai besoin, lui demander de se manifester, ça suffit pour que l'absence n'existe pas. Ça suffit. Vous n'en demandez pas plus. Et non. Et je ne peux pas. Je crois que c'est déjà beaucoup. J'ai tout à fait conscience d'être un privilégié, vous savez. Quelquefois, les gens me l'écrivent en disant, vous en avez de la chance. Puis oui, certes, j'en suis bien conscient. Mais c'est une chance que nous avons voulu quand même, elle et moi. Elle n'est pas venue par hasard. Et si Catherine ne vous avait jamais fait signe de l'endroit où elle se trouve, comment vous seriez maintenant? Dans l'état où se trouvent tous ceux qui viennent perdre un être cher, c'est-à-dire c'est le désespoir. Hein, bon, c'est fini, c'est terminé. C'est pour ça que c'est important de dire à tout cela, mais non, ne pleurez pas, désespérez pas. Vous vous retrouverez. Dans combien de temps, c'est bon encore, mais vous vous retrouverez. Et de toute façon, dans les médias, l'être que vous avez perdu ne s'est pas éloigné de vous. C'est M. Bourgeot, l'évêque de d'Angers. Monseigneur Bougeot, oui. Monsieur Bougeot le dit de façon très claire. Et c'est une réalité, ça. Certitude. Philippe Raguenaud, êtes-vous prêt à répondre aux questions que les auditeurs vont vouloir vous poser, je le pense? Avec joie. Oui, tout à fait. À tout de suite, alors. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous accueillons Béatrice. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. J'ai écouté l'émission, je l'ai prise en cours de route, mais ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai moi-même eu des communications de ma grand-mère. Je ne savais pas que c'était elle. Bon, c'est une longue histoire, il s'est avéré qu'elle avait habité le lieu où j'étais, ce que je ne savais pas. Ensuite de son père, mon arrière-grand-père, qui me disait bienvenue, et je voyais en chapeau haute forme, et je suis allée aux États-Unis, j'ai visité l'endroit où il avait habité, et il y avait un énorme tableau de lui en haute forme. Bon, donc il y a un lien avec cette lignée paternelle, mais la question que je voulais poser, c'est, moi j'ai peur de les déranger, je sais qu'ils me veulent beaucoup de bien, et que je représente leur, je suis vraiment de leur lignée et qu'ils sont d'une grande bienveillance et qu'ils sont là, mais j'ai peur de les déranger. Donc je ne provoque ou je ne demande aucune communication, alors que de temps en temps, j'en aurais plutôt envie. Béatrice, c'est une question qui m'est souvent posée. Oui. On dit, mais vous n'avez pas peur de les tirer par les pieds ou les obliger à revenir sur Terre, etc. C'est tout le contraire. Ah bon ? Ils nous demandent de communiquer, ils nous demandent de nous manifester. Ils sont heureux de nous entendre, ils sont déjà heureux de nous voir quand nous sommes heureux, mais il ne faut pas hésiter du tout, on ne les dérange pas. Et alors, n'oubliez pas que là-haut, ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. S'ils ont une occupation, et Catherine me dit qu'ils sont très occupés, ça ne les empêche pas, en même temps, d'être près de nous. Ils ont ce que nous n'avons pas ici, c'est une sorte de don d'ubiquité, la possibilité de faire plusieurs choses. Oui, ils ne sont pas limités par le temps et l'espace. Non, absolument pas. Non seulement on ne les dérange pas, mais on leur fait très plaisir en les appelant, en leur parlant, en les écoutant, en les sollicitant, en leur demandant leur aide, qu'ils ne demandent pas mieux de nous donner, d'ailleurs, chaque fois qu'ils le peuvent. Donc, surtout, n'hésitez pas une seconde à les appeler, à leur parler, à les écouter. Voilà ce que je vais vous dire. Ah, ben c'est très gentil. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de la voix, que vous n'entendiez pas exactement la voix de Catherine. Oui. Moi, donc c'est la première fois, complètement inattendue. J'étais toute seule, en état neutre, dans un lieu où j'avais jamais été, à regarder la pelouse, complètement. Et j'ai vraiment entendu une voix. Et quand je suis allée voir mon père, plusieurs mois plus tard, il n'habitait pas en France, j'ai dit écoute bien et dis-moi si ça ressemble à la voix de ta mère. Alors ils étaient très très reliés. Et alors je dis quelques mots et mon père devient blême. Il me dit mais comment tu sais ça? Alors je lui ai raconté l'histoire. Il me dit ça c'est incroyable. Voilà, et là j'ai entendu la voix. Oui, ça peut arriver. Oui, oui. C'est... Vous n'êtes pas le seul cas qui me le signale. Mmh. Ça peut arriver, en effet. Mmh. Bon, peut-être, si je ne l'entends pas, peut-être que c'est parce que la communication passe de façon assez claire, oui. sans qu'il soit nécessaire de le... disons de l'appuyer sur un son, mm-hmm. ça doit être ça je pense, mm-hmm. hein. mais vous n'êtes pas la première à me dire qu'en effet quelquefois on entend une voix qui est la bonne d'ailleurs, mm-hmm. qui est qu'on reconnaît tout de suite. Oui oui c'est ça, mon père l'a reconnu, oui, parce que moi j'ai jamais sûr. Connu cette grand-mère, mais je me sens toujours oui, je oui. me suis sentie très oui, reliée à elle quoi. Oui. Bon, d'accord. Donc ça ne le dérange pas, je veux dire. Si non, au contraire. Au si, contraire. Grand-mère, voilà, je lui raconte, oui, tout va bien, je suis heureuse, oui. il fait beau, comment vas-tu? Enfin. Ils le demandent, ils en sont très, très, très friands, très gourmands, justement, de cette communication. Mm-hmm. Et alors, selon manifeste d'abord que l'on pense à eux, ce qui n'est déjà pas mal, mm-hmm. qu'on a foi, genre. Dans l'aide qu'ils peuvent nous apporter, dans le conseil qu'ils peuvent nous donner. Mmh. Donc, c'est tout le contraire. Hein. Mmh. N'hésitez plus. Ah bon, d'accord. N'hésitez plus. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci Béatrice pour votre appel. Merci, au revoir. Nous accueillons Léo. Oui. Bonsoir Léo. Oui, bonjour. Je voudrais poser la question suivante à Monsieur Ragnaud. Oui. Moi, c'est un petit peu le contraire de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. C'est que j'ai perdu toute ma famille, je suis resté seul. Je les attends, je les appelle et je n'ai pas de signe. Et je voulais savoir, est-ce que votre compagne vous a dit qu'à certaines personnes, les choses étaient définitivement scellées, voilées? Non, pas du tout, non. Je l'ai dit tout à l'heure, ce type de communication, celle de Béatrice tout à l'heure que nous venons d'entendre, oui. ou la mienne, c'est quelque chose qui reste très rare quand même, hein, très rare. Ça serait trop facile, ça serait trop commode si tous nos absents pouvaient comme ça décrocher le téléphone et nous parler comme si nous étions à côté d'eux. Donc ne pensez pas du tout que c'est soit une interdiction, soit une impossibilité. Bon, pour des raisons que nous saurons plus tard, que je ne connais pas, que je ne peux pas vous dire, la communication s'établit ou ne s'établit pas. Généralement, elle ne s'établit pas parce qu'on ne s'y est pas préparé. Cette préparation, je la crois très très importante. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Il faut y croire, il faut le vouloir, il faut en parler entre nous, longuement, ce que nous avons fait avec Catherine. On le disait le soir, bon, Catherine me disait, écoute, dès que j'arrive, c'est la première chose que je fais, c'est ça, c'est d'établir la communication. Bon. Et moi, de mon côté, la même chose. Donc, si on n'a pas eu la possibilité ou l'occasion, justement, de faire ce travail préparatoire, de même que lorsqu'on veut établir une communication, on forme des numéros sur le cadran, c'est pareil. Si on n'a pas eu cette possibilité-là, la communication a très peu de chances de s'établir. Mais ne pensez pas pour autant que les absents ne sont pas là, ou qu'ils ne nous attendent pas, ou qu'ils ne nous aiment plus. Il n'y a rien, ça n'a aucune relation de cause à effet. Aucune. Mais quand on y a mis de l'attention, du discernement, éventuellement de l'acharnement, et que rien ne vient, et que... Rien ne nous est dû, bien sûr, mais qu'on reste dans la solitude de Job, que doit-on penser? Est-ce qu'il y a un statut métaphysique de l'être qui vous interdit? Non, pas du tout. Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, quelles sont les conditions qu'il a au fond que... Oui, c'est ça qu'il faudrait savoir. Oui. Bah oui, pourquoi celui-ci peut communiquer et celui-là ne communique pas, je ne le sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Simplement, je suis tout à fait formel, ça n'induit rien de négatif. Ça ne veut pas dire que le fait de ne pas recevoir cette communication témoigne de l'indifférence de l'absent ou de quoi que ce soit de ce genre. Il ne peut pas, pour la raison matérielle, peut-être la ligne est coupée, peut-être Dieu sait quoi, il ne peut pas, c'est tout. Bon, il nous l'expliquera quand nous arriverons, mais ça ne change rien, encore une fois, au fait qu'il est présent, qu'il nous aime, qu'il nous écoute, qu'il est là, etc. Mais vous imaginez que le silence de ces êtres aimés, de ces défunts aimés, peut ressembler au silence de Dieu lui-même, et que ça peut faire basculer certains êtres dans le doute. Non, non. C'est un... Bon, je ne dis pas que ça a été ma tentation, mais... Non, Le chagrin peut faire basculer les êtres. Ce qui est rare, c'est d'avoir ce contact. Mais ce qui est très très courant, ce qui est totalement courant, c'est de ne pas avoir le contact, justement. Bon, pour les raisons que j'ignore, certaines que je suppose, je vous les disais tout à l'heure, parce que on ne s'y est pas assez préparé, parce qu'on l'a pas assez voulu, parce qu'il n'y a pas assez cru. Bon, ça c'est la base, c'est le point de départ. Bon, mais même comme ça, je suppose que quelquefois la communication ne s'établit pas. Mais ça ne postule en rien quoi que ce soit de négatif. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord. Et vous rassurer complètement. De toute façon, que ce soit avec ou sans communication, ceux qui nous ont quittés nous attendent et nous serons heureux de nous accueillir et nous diront « Mais tu te bêtes de te faire du souci comme ça, mais enfin voyons, tu crois que c'est facile de... comme ça ?» Voilà. Voilà, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Merci, Léo, pour votre appel. Au revoir. Nous avons retrouvé Sylvie. Sylvie ? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, ben, je vous laisse avec Philippe Raguenot. D'accord. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Monsieur Raguenot. Je suis très émue de vous écouter parce que moi j'ai perdu mon père, un homme que j'adore, qui était un homme merveilleux. Je fais des rêves assez étranges de mon père. Je me sens très très près, oui, toujours. Par exemple, j'ai rêvé de lui, c'était très très... très antique, il était devant un écritoire et ça faisait 6 mois qu'il était décédé à peu près. Et il me disait celui qui est dans la lumière, n'est pas dans la lumière. Ça m'avait vraiment marqué. Je me suis réveillée comme ça. Par contre, j'adorais ma grand-mère et j'ai pas de communication avec ma grand-mère. Ça, je vis très très mal. Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors que c'est une femme que j'adorais aussi. Ben je vous ferai la même réponse que celle que j'ai faite à Léo, qui vous a précédé. Oui. C'est, encore une fois, ce genre de phénomène, il faut appeler les choses par leur nom, est trop rare pour qu'on puisse s'étonner qu'il ne se produise pas. C'est sa rareté qui fait son étrangeté. La règle générale, c'est que, bon, entre nos absents et nous, un rideau est tombé. Oui. Les provisoires, ils sont de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du rideau. On se retrouvera, c'est sûr, mais provisoirement, la communication ne passe pas. Alors quand elle passe, c'est un événement, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on se porte mutuellement. Le fait que votre grand-mère ne communique pas avec vous ne veut pas dire qu'elle a cessé de vous aimer ou de penser à vous. Voilà, c'est très frustrant, quoi, c'est ça qui est... Ah oui, ça, bien sûr. Très culpabilisant. Oui. Si vous voulez, ce sentiment-là vient du fait que le contraire existe. Si la communication n'était possible pour personne, bien on en ferait son affaire. On aurait dit, bon, ben, c'est comme ça, on attendra de les retrouver pour renouer le dialogue. Oui. Mais le fait que certains bénis de Dieu reçoivent cette communication fait que on se sent un petit peu frustré, vous avez raison de le dire. Oui, complètement. Oui, bien sûr. Mais il faut pas vous soucier pour cela. Ça ne, je le disais à Léo, c'est de la même manière. Ça n'induit rien de négatif. En tout cas, c'est merveilleux de vous entendre parler de votre femme parce que c'est un très beau message d'amour. Et puis, c'est ça, oui, bien sûr. Ouais, et c'est vraiment ressort. On n'est effectivement jamais séparés d'eux, ils sont présents tout le temps. Absolument, absolument. C'est ça qu'il faut se dire. Ce qui nous aide à vivre. Hein, oui, tout à fait. Ils sont là. Et beaucoup plus souvent, beaucoup plus présents qu'on ne le pense. Pour cette raison, je disais aussi tout à l'heure, c'est que ils ont cette possibilité de faire les tâches qui leur incombent là, ou les divertissements, les plaisirs qu'on leur propose, et en même temps d'être près de nous, nous écouter, nous suivre. J'étais très étonné. Catherine m'a dit, ça n'empêche pas de bavarder avec un ami ou de caresser mon chien. Je peux faire les deux choses à la fois sans aucun problème. Je pourrais en faire 3 ou 4 même. Ils ont là-bas, en arrivant là-bas, des possibilités décuplées, complètement décuplées. Donc, pour conserve, on va prendre les choses comme elles sont. Et c'est merveilleux voilà. Ce message aussi avec les animaux, parce que moi, j'ai continué de vivre avec ce chien que je lui avais offert quand il est tombé malade. Et il y a quelque chose de vraiment troublant avec les animaux, c'est étonnant. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il faut cette condition, hein. Il faut que l'on ait aimé cette bête, il faut que cette bête vous ait aimé. Ça, c'est la condition, c'est certain. C'est et vrai. Moi, j'ai un petit Lulu comme vous. oui, ça m'a... Vous aimez les chats, apparemment. Il y a eu un problème, vous savez, souvent avec le téléphone portable. Ah oui. C'est comme ça. Mais Sylvie parlait de messages. Oui. Sans faire de mauvais calembours, est-ce que vous êtes le mécager de Catherine? Oui. Ou le messager? On peut le dire aussi, oui. On peut dire le mot joli. Oui, bien sûr, c'est vrai. Est-ce que vous, cartésien, complètement, vous vous êtes fait violence pour accepter avec humilité, oui, le surgissement de l'invisible, oui, dans votre vie, oui, de tous les jours? Oui, bien sûr, surtout au début. Hein. Bon, maintenant, disons, on est dans les habitudes, mais avant d'être dans les habitudes, il y a eu la surprise, il y a eu le doute, je me répète, pardon, mais ça, tout ça, c'est tout à fait normal. Je crois que quand on a les pieds par terre et qu'on ne croit pas au fantasme et aux folies, ben je crois qu'en effet, il y a toute cette part de doute, de prudence, puis à la longue, ben, les preuves s'accumulant, on s'incline en effet devant l'évidence. Mais c'est normal. D'autres preuves qui vous ont particulièrement marqué? Bon, vous nous avez raconté l'histoire du chéquier, des, oui, des clés que vous perdez régulièrement. Oui. Mais est-ce que vous avez vu Catherine, on va dire, sous une forme d'ectoplasme, par exemple? Non, non. Il m'a semblé voir, il y a une photo d'elle dans ma chambre, il m'a semblé voir la photo sourire. Mais là, je ne peux pas être affirmatif du tout. Je crois que ça, c'était dans ma tête. En tout cas, je n'ai eu aucune espèce de vision de ce genre, sous une forme ou sous une autre. Non plus que Lulu, mon chat. Il a senti une présence, il n'a pas vu une présence, il l'a senti, comme je la sentais moi-même. Hein. Ça, c'est son sixième sens, lui a servi de contact. Nous accueillons Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Le livre, il faudra que je note, si vous pouviez avoir la gentillesse de redire les coordonnées. Je serais assez intéressée pour l'acheter d'abord. Alors, c'est L'autre côté de la vie. Oui. L'autre côté de la vie aux éditions du Rocher. Ah. La FNAC en a encore. Mais il va être réédité le 27 mars. Le 27 mars, il sera de nouveau dans les librairies avec un chapitre supplémentaire qui est une sorte de conclusion au livre. Parce qu'il n'y aura pas un deuxième tome, hein, je vous le dis tout de suite. Tout ce que Catherine pouvait me dire est dans ce livre, donc il est complet. Entre-temps, il y a eu plusieurs éditions et chaque fois, j'y ajoute un petit peu quelque chose. Donc le livre que vous aurez le 27 mars sera un livre tout à fait complet où il y aura tout. Il y aura tout dedans. Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, moi, j'aurai plusieurs témoignages à offrir. Oui. Allô. Et j'aimerais avant, si vous voulez, vous rappeler une chose que j'avais entendue, je ne sais plus dans quelle émission c'était, mais j'en ai le souvenir encore très vivant, célèbre metteur en cinéaste, je suis tellement émue que j'ai oublié son nom, qui est décédé maintenant. Bon, enfin bref, il disait que son père, il était encore un jeune quand son père était décédé, peut-être il était adolescent, et sa mère n'avait pas voulu, sa mère n'avait pas voulu qu'il assiste au dernier moment de son père, bref. Et donc, il s'en était jamais remis. Il avait reproché à sa mère de ne pas avoir assisté, de ne pas avoir pu dire adieu à son père. Oui. Et un jour, justement, la nuit, il a eu une révélation. Il a vu son père. Son père lui est apparu. Et c'est assez curieux parce que ça ressemble beaucoup à ce que me disait une de mes cousines. Une de mes cousines a vu aussi sa mère la nuit, et un peu de la même manière. Il l'a appelée et lui a dit « Écoute, viens, il y a quelque chose d'important à te dire. » Bien, alors ta mère n'a pas voulu à ce que tu assistes à mon départ. Elle avait ses raisons, il ne faut pas lui en vouloir. Mais on va réparer ce qui n'a pas été fait. Et viens, on va se dire adieu, mais on se reverra. Mais pour ce qui est des choses de la terre, on se dira adieu puisque tel était ton souhait. et il lui a bien recommandé, il y avait une rivière, une sorte de rivière ou un fleuve, en lui disant surtout, surtout ne traverse pas ce fleuve. C'est assez étrange parce que ça fait penser au fleuve de la mythologie, le fameux Tique. Oui, bien sûr. Et curieusement, ma cousine m'a raconté la même chose à propos de sa mère, alors qu'elle n'est pas au courant de cette histoire. Elle lui avait dit, oh, ma fille, surtout ne t'approche pas, ne traverse pas ce fleuve parce que ton heure n'est pas encore venue. Il lui a dit à peu près la même chose. Et donc, il s'est senti très racéné après, lorsque son père a dit, écoute, n'en veux pas à ta mère, ça partait d'une bonne intention. Et ils se sont fait des adieux très émouvants. Et il a même dit, c'est Roger Vadim, voilà, le nom m'est revenu. Roger Vadim avait dit que depuis ce temps-là, d'ailleurs, qu'il n'avait absolument pas peur de la mort, ça représentait quelque chose de tout à fait particulier. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et en ce qui me concerne, moi, et ma famille, alors je dois dire que, effectivement, pour moi, la mort n'est qu'un, d'après ce que j'ai pu constater autour de moi, est tout simplement un passage. Parce que toutes les personnes pratiquement qui m'ont été plus ou moins, qui ont quitté, des personnes de ma famille, de mes proches, je les ai tous, presque tous, en particulier ceux qui ont eu un rôle important à jouer dans ma vie, je les ai retrouvés la nuit. Mais il se passe beaucoup de choses la nuit chez moi. Et la nuit, tout à fait, une tante qui m'a élevée, une vieille tante qui m'a élevée pratiquement, puisque ma mère est morte quand j'étais tout bébé. Et cette tante, lorsque je l'ai revue, c'était fantastique parce que je la vois et je lui dis « Oh, tu es vivante !» Oh, que je suis contente, il y a tellement de choses que j'ai pas pu arriver à te dire, et maintenant je vais pouvoir. Elle me dit, mais je n'ai jamais été morte, qu'est-ce que tu me racontes? Je n'ai jamais été morte. Ah bon? Ah, t'es vivante? Et alors je l'ai vue apparaître, alors elle était une vieille dame quand elle est décédée, hein, et je l'ai vue apparaître avec un corps, toute jeune fille, toute jeune, et je l'imagine, lorsqu'elle était jeune, elle devait être comme cela, les cheveux blonds comme les blés, comme elle me racontait, et alors, comme on pourrait dire, un corps de lumière en quelque sorte. Et je lui ai dit, oh, comme elle s'appelait Blanche en plus, alors je lui ai dit, oh Blanche, oh là là, qu'est-ce que tu portes bien ton nom? Voilà, c'était fantastique. Et puis alors, je vais pas tout vous raconter parce que ce serait trop long. Ma maman, que je n'ai pas connue puisque j'étais trop petite lorsqu'elle a décédé. Et alors là, elle m'est apparue trois fois dans des moments assez critiques. Et la dernière fois, ça a été fantastique. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je disais toujours à mes frères, à mes enfants, si mes frères et sœurs étaient plus âgés que moi, au moins ils ont un souvenir pour se rapprocher. Ils peuvent se raccrocher à un souvenir de maman. Moi, je n'ai aucun souvenir. J'étais vraiment trop petite. Si au moins je pouvais me souvenir de quelque chose, de lui avoir dit maman ou qu'elle m'ait donné à manger ou quelque chose. Rien. Et ça, je regrette. Bon, je suis pas la première et la dernière orpheline sur Terre, mais c'est bien dommage que je n'ai pas ça. Et puis, figurez-vous que une nuit, elle m'est apparue, mais d'une manière tout à fait curieuse. Je ne l'ai pas vue, en quelque sorte. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie. J'ai dit, oh, tout de suite, je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue, c'est-à-dire que j'ai senti sa main se poser sur moi, sur mon épaule droite. Alors là, c'est une... de dire, c'est très difficile. Il faudrait presque réinventer un autre langage. Alors, sa main droite s'est posée sur mon épaule, au milieu du dos. On aurait dit que quelqu'un m'a dit, elle a dû te faire... Ça ressemblait comme à une initiation. C'est assez curieux. Elle me transmettait son énergie complètement. Et alors, j'ai eu cette sensation absolument étrange, extraordinaire, que tout l'amour qu'elle aurait pu me donner d'une vie normale, d'une maman, de l'enfance jusqu'à l'adolescence et après, eh bien, je l'ai reçu en quelque sorte en condensé en une nuit. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est fantastique. C'est même à peine croyable. Je vous assure, ça n'est pas de l'ordre du fantasme. Je n'imaginais pas que cela aurait pu m'arriver un jour. Et vraiment, c'était... Alors, si on peut décrire la sensation que j'ai eue, ce sont des choses qui sont très, très difficilement transposables. C'était... Je la ressentais comme une énergie, une flamme vivante qui tournoyait, un véritable tournoiement d'énergie, d'amour, de chaleur, de lumière. On aurait dit qu'elle, c'était la tornade blanche en quelque sorte, mais vibrante de d'amour et de joie. Et ça, ça a été un cadeau extraordinaire, à tel point que le lendemain, ou deux, trois jours après, je cherchais à joindre un prêtre que je n'avais pas vu depuis très longtemps, un père dominicain, d'ailleurs que je n'ai plus revu après, puisqu'il est mort 2 ans après. On devait se revoir. Et pour lui téléphoner, pour lui dire, mais c'est fantastique ce qui m'est arrivé. Et curieusement, cette apparition, en quelque sorte, cette manifestation, moi je dirais plutôt, a eu lieu la veille du jour où ma fille, une de mes filles, mettait au monde une petite fille. Et j'ai compris, je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'ai ressenti, je me suis dit, eh bien voilà, Florence va accoucher très certainement demain. Je l'ai interprétée aussi de cette manière. Effectivement, elle a mis au monde une petite fille merveilleuse. Mais enfin, bon, la corrélation, voilà. Et puis, je pourrais en dire encore. J'ai eu un frère qui est décédé en 99, qui, lui, est venu me voir en me disant... alors, curieusement, il me dit, j'ai changé de nom. Voilà comment je m'appelle. Je m'appelle Martin. Et alors, je me suis dit, tiens, curieux, parce que c'était pas du tout son nom. Est-ce que c'était un symbole de partage, peut-être, qui sait ? Pour celui qui connaît la vie de ce saint gaulois. Et il me dit, tu sais, je suis ici et maintenant avec toi. Et vous savez, il y a comment Tristan là qui raconte les rêves là qui explique très bien là, qui interprète très bien les rêves sur la radio ici maintenant, m'a dit, mais vous savez bien que l'Égypte ancienne, c'était des inscriptions qui étaient ces inscriptions figuraient au bas-relief de certains tombeaux, et cette expression signifiait, ça tombe très bien puisque c'est la radio ici maintenant, mais je l'ai pas fait exprès hein, ça s'est venu comme ça. Et disait, alors ici et maintenant, voulait dire pour l'éternité. Et il m'avait dit, je suis ici et maintenant et pour toujours avec toi. Vous savez que vous êtes une privilégiée, hein. Peut-être je connais pas mon oui, mais je pense pas que je dois être là. Il doit y en avoir beaucoup. Beaucoup non, mais il y en a. Vous n'êtes pas seul, mais beaucoup non. Il y a quelque chose de très qui m'a beaucoup touché dans votre récit. C'est lorsque vous avez dit que c'est votre maman, je crois, qui était apparue très jeune. Bon. C'est ma grande-tante qui m'est apparue très jeune. C'est ça, votre grande-tante. Eh bien, c'est ce que m'a dit Catherine également. C'est que là-haut, ils ont une apparence physique, mais c'est celle qu'ils avaient au moment de leur plénitude, au moment où ils étaient le plus jeunes et le plus beaux. Et ça, Catherine me l'a dit, donc votre témoignage authentifie, s'il en était besoin, cette apparition, ce phénomène. C'est tout à fait formel. Et cette apparence physique, c'est, encore une fois, celle de la jeunesse, celle de la beauté, c'est le moment, le meilleur moment de leur existence terrestre, voilà. Oui, tout à fait, parce que très certainement, parce que mon frère là, qui est décédé en 99, malheureusement, il est décédé parce qu'il a il avait une attitude suicidaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup bu, il a fumé, enfin vous voyez, donc il s'est précipité sa déchéance physique. Eh bien, je l'ai revu une deuxième fois, j'ai eu un message de lui, et celui-ci m'a dit. Parce que c'est vrai que les gens qui se souviennent de lui avec un air triste, un peu déprimé, souffrant, fatigant. Alors, bien qu'il avait quand il souriait, il avait un merveilleux sourire. Il était même très beau physiquement. Et il m'a dit, tu sais, je n'aime pas que les gens se souviennent de moi triste. Je veux qu'ils se souviennent de moi, mais pas avec toutes ces souffrances. Quelque chose dans ce genre-là. Oui, bien sûr, oui. Alors, ça conforte votre témoignage. Oui, vous avez de la chance. Et puis, ce que vous dites corrobore tout à fait, ou le contraire, si vous voulez, ce que Catherine m'a dit, corrobore tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Encore une fois, je rappelle, vous avez énormément de chance. Et remercie le bon Dieu tous les matins. Eh ben oui, écoutez, je crois que oui, effectivement, il faut remercier parce que et un grand-père, je terminerai là-dessus parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont appeler et j'ai un grand-père qui a décédé lorsque j'étais encore toute jeune, j'avais 10-11 ans. Et je l'ai vu apparaître une fois bien longtemps après qu'il est décédé, j'étais déjà mère de famille et subitement je le vois, je dis oh grand-père, comme je suis contente de te voir. Et je lui dis, tu vois, quand tu es partie, j'étais encore toute jeune et je regrette de ne pas avoir pu faire grand-chose pour toi, d'avoir pas pu t'aider quand lorsque il y avait des soucis de famille. Enfin, je lui dis, je garde un très grand bon souvenir de toi. Et qu'est-ce que je pourrais faire là, tout de suite, maintenant ? La nuit, je lui dis, je pensais qu'il allait me dire, bah, écoute, prie pour moi ou je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Et sa réponse a été celle-ci. Je me suis dit, tiens, il m'a dit, je venais, j'avais plusieurs enfants, dont le quatrième, beaucoup plus espacé que les autres, un garçon, après avoir eu trois filles. Et mon garçon, il avait 4-5 ans. Et il m'a dit, occupe-toi bien de ton petit garçon. Et j'étais vraiment étonnée parce que, stupéfaite, je me suis dit, mais alors c'est donc certaines peuplades, certaines traditions qui insistent beaucoup sur le culte des morts, on n'en voyait que le côté négatif des choses. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir une continuité dans les liens familiaux, alors que mon fils n'était que son arrière-petit-fils. C'est très touchant. Oui, très voilà. Très joli. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre émission et bravo à tous. Hein, je suis de tout cœur avec merci, vous. Merci. C'est voilà, gentil. Je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir. Merci Marie. Il en avait des choses à dire, Marie. Oui, des belles. De belles choses. Une question que je me suis toujours posée, peut-être avez-vous la réponse, Philippe Ragneau. Est-ce que les cimetières sont vides? Ça dépend comment on l'entend. Bon, les cimetières sont un lieu de mémoire pour moi. Je ne vais jamais au cimetière. D'abord, Catherine a été incinérée. Pour moi, il n'y a rien dans les cimetières, hein, sauf la mémoire. Et c'est bien qu'ils existent, c'est bien que les gens y aillent, ne serait-ce que pour se souvenir d'eux une fois, au moins une fois par an, le jour des morts. C'est une bonne chose. Et la piété qu'on a vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés, je crois, je l'approuve. Mais pour moi, les cimetières sont totalement vides. Il n'y a pas la présence spirituelle, elle n'est pas là, elle est là-haut, bien entendu, ou à côté de nous. Ça va de soi, ça. Mais pourquoi met-on « requiescat in pace », qu'ils reposent en paix? Ils sont en paix. Absolument, ils sont en paix. Oui. C'est un peu superflu. Enfin, il y en a quelques-uns qui doivent parler de quand même. Hein, L'auditeur, c'est Mike, c'est ça? Mike? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai raté le début de l'émission, donc... Nous sommes en compagnie de Philippe Ragneau. D'accord, oui. Qui est un homme qui a écrit « L'autre côté de la vie » et qui raconte les communications qu'il a eues avec son épouse décédée. C'est tout ce que j'ai dit... Et dans le livre que j'ai écrit, dont Jean-Claude vient de rappeler le titre, donc par conséquent, vous n'avez rien manqué en réalité, hein, et vous y trouverez tout ce que je dis, et davantage d'ailleurs, parce qu'on en lit beaucoup plus dans un livre qu'au cours d'une interview. En tout cas, vous avez un message à nous donner? Oh ben oui, mais c'est tellement intéressant qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Enfin, je constate avec... je vois que depuis quelques années, en fait, il y a une accélération, les choses accélèrent, dans le bon sens, je pense. Oui, oui, sûrement. Je crois que ça tient à une prise de conscience, je crois que ça tient au fait que certains d'entre nous ont eu la volonté de le dire, de transmettre ce qu'ils avaient connu, ou éprouvé, ou entendu. En effet, c'est vrai, d'après le courrier que je reçois, et c'est tous les jours que j'ai une lettre ou à peu près, c'est vrai qu'il y a actuellement une prise de conscience beaucoup plus grande, une sérénité plus grande aussi qui s'installe. Les gens ont compris, enfin beaucoup de gens ont compris que, en effet, la mort n'était pas une fin en soi, elle était un commencement, le commencement d'autre chose, que nous allons tous vivre un jour ou l'autre, mais c'était ça la grande vérité. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont aptes, donc disons qu'ils sont prédisposés du fait qu'ils soient plus ou moins médiums. C'est possible. C'est quelque chose que je n'exclus nullement. Je crois que d'ailleurs, il faut être très modeste devant tout cela. C'est un univers qui nous est encore un peu opaque. Il faut être très modeste et il ne faut rien exclure. Il y a probablement chez des gens une aptitude à mieux recevoir ce type de communication que d'autres. C'est possible. Moi, je suis... pour raconter donc mon expérience personnelle, bon, ça m'a pris... enfant, en fait, j'ai perdu mon père, j'avais 2 ans. Il est parti dans un accident de moto et je l'ai vu 2 fois J'avais à peu près la première fois 6 ans et la deuxième fois 7-8 ans. Donc, mais ça, ça revient souvent dans les livres que j'ai lus plus âgés. Donc, les personnes parties prématurément, donc, dans un accident, enfin de façon violente, se manifester auprès des... Surtout auprès des enfants qui ont la faculté de, étant purs, disons, n'étant pas trop pollués mentalement, de, c'est ça. De percevoir des choses... C'est exact. Ouais, oui. Alors malheureusement, ça s'est arrêté, c'est plus d'apparition, donc de phénomène... Ben, vous savez, je crois que de temps en temps, ils nous font un petit clin d'œil en disant, écoute, je suis là, n'oublie pas, et surtout, sois bien certain que je vous attends tranquillement, prenez votre temps, vivez votre vie, vivez-la bien, vivez-la comme il faut. Mais c'est tout, c'est un clin d'œil, et puis ils n'éprouvent pas le besoin de le répéter à l'infini. Tout à fait, d'autant plus que moi, bon, j'imagine, essayant d'analyser par la suite, bien sûr, parce que sur le moment, étant trop petit, j'ai pas compris ce qui pouvait se passer. J'ai eu peur. Donc je pense qu'il n'a pas tenté d'autres apparitions pour ne pas m'effrayer. Peut-être aussi, c'est peut-être aussi ça, oui. Mais par contre, par la suite, et encore, maintenant je suis donc adulte, 40 ans passés, de temps en temps, j'ai des phénomènes d'objets, enfin de... D'objets ou de... Absolument, absolument. Donc vous êtes attentif, donc vous les voyez, vous les identifiez. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont des petits signes, ils ne les voient pas, ou ils attribuent ça au un phénomène naturel. Bah d'ailleurs, je suis persuadé en avoir raté certains. Oui, c'est possible. Mais maintenant que j'ai vraiment réalisé, il y en a, c'est vraiment, j'en suis convaincu. Bon, il y en a des fois, on a un petit doute, on se dit... Oui. Mais il y en a, c'est vraiment flagrant, parce que ça correspond à des dates anniversaires. Enfin, il y a vraiment des choses très fortes. C'est vrai que quand on est aux aguets après, on les rate plus, ces phénomènes. Exactement. En fait, les derniers, ça, pour moi, à la suite du décès de mon oncle, ça c'est assez récent, ça fait 2 ans. Donc là, dans la maison dans laquelle il avait vécu, donc chez ma tante, bon, j'y suis allé, bien sûr, pour l'enterrement. On a passé quelques jours avec ma tante. Et là, j'étais donc avec ma mère, ma tante et moi, on était 3. Alors là, dans les jours qui ont suivi son décès, j'ai eu des phénomènes, mais en fait, ils se sont produits qu'envers moi. Donc j'ai l'impression qu'ils... Alors vous êtes un bon émetteur ou un bon écouteur, c'est sûr. Je pensais tout simplement qu'il avait... Ils ont concentré son énergie plus sur moi que sur sa femme. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que vous y croyez, alors que les gens qui doutent, évidemment, ne verront pas ou ne comprendront pas le message qu'ils ont reçu. À partir d'un moment où on y croit, bon, ça ne veut pas dire qu'on croit à n'importe quoi. J'évoquais tout à l'heure le vent qui secoue un volet, et bon, ben ça c'est bon, très bien, il secoue un volet, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un signe. Mais ceux qui ne croient pas que ce genre de manifestation soit possible, évidemment, ils ne le recevront jamais, ils ne la verront jamais. Oui, ils se ferment les portes, en fait. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. Exactement. Mais circuler pour mieux sauter, parce qu'ils y croiront quand ils sont passés de l'autre côté. Exactement. Ils réaliseront qu'ils ont raté quelque chose. Exactement, oui. Malheureusement, pour eux. En tout cas, merci pour ce témoignage. Voilà, puis je suis très content, en fait, que vous disiez maintenant... J'entends beaucoup de d'émissions qui tournent autour de ce sujet, puis également sur les ovnis qui me passionnent énormément également. Tout à fait, oui. Donc on passe des nuits, des nuits blanches, mais pas très enrichissantes. Merci Mike pour votre appel. Merci, bonne nuit à tous. Et puis après tout, la mort, on peut en parler. C'est aussi, comme vient de le dire Philippe Raguenaud, c'est la continuité de la vie. Pourquoi faire de la mort un sujet tabou? Dans certaines régions du monde, vous devez connaître ça, Philippe Raguenaud, il y a la cérémonie de retournement des linceuls. Oui. Hein? À Madagascar, ça se passe. Oui, à Madagascar. Ils font ça à Madagascar, ça se passe au bout de quelques années. On s'amuse comme on peut. Nous avons Stéphane. Bonsoir Stéphane. Voilà, donc je voulais juste commencer par une phrase assez... je crois que c'est Malraux qui a sorti. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Moi, je l'ai écrit, en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un l'écrit avant moi. Mais je l'ai écrit dans un livre également. Ouais. Oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est quelque part, c'est vrai, quoi. Mais bien sûr. Mais bon, après, il faut faire un deuil. Il faut faire un deuil de... Bon, il faut faire un sacré deuil de tout, tous les êtres qui sont chers et qui ont disparu, quoi. Bon, bah... C'est pas un deuil, c'est un au revoir. On leur dit au revoir, à bientôt, ou à plus tard, si on est plus ou moins pressé. Mais le deuil, c'est le deuil, c'est le désespoir. C'est, on ne se verra plus, on ne se communiquera plus rien, on ne partagera plus rien. C'est pas ça du tout, c'est tout le contraire. Là, il y a une petite parenthèse. La mort est une parenthèse. Elle n'est que ça. Et donc, pendant cette parenthèse, évidemment, on ne communique pas de la même manière, ou pas du tout. Mais après la parenthèse, ben, il y a les retrouvailles. Et les retrouvailles, bon, ben, on réenchaîne à vivre, on réapprend à vivre ensemble, on continue. Moi, je vous explique, hein, une fois, j'ai perdu ma mère. Et une copine m'a expliqué que, en fait, dans la tête, se libérait une substance, et en plus, j'ai senti la substance. Enfin, comme une morphine, enfin un peu comme ça, quoi, qui faisait, qui faisait passer le cachet, quoi, on va dire. Oui. Qui faisait oublier la peine du deuil, faisait oublier, enfin, quand on est comme ça, on se retrouve, un peu sur la planète Mars, hein, faut le dire. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais heureusement, le cerveau, naturellement, sécrète une substance, comme l'endomorphine, quand on court, sécrète une substance qui fait oublier le mal, enfin le malheur, quoi. Oui, ça, je n'ai pas entendu parler de cela, mais pourquoi pas, après tout, hein. Je crois que oui. Oui, je sais, ou le cerveau, ou la volonté, ou l'inconscient, ou le conscient, je ne sais pas. Pourquoi pas, hein. Encore une fois, je crois que ce monde du supranaturel nous est tellement opaque, est tellement complexe, si peu connu, si peu exploré, qu'on ne peut pas rejeter comme ça d'emblée une hypothèse ou une autre. Je crois qu'il faut simplement écouter, observer, il y a peut-être, mais ne pas nier. Pour les ovnis, c'est pareil, existe-t-il pas? Moi, je n'ai pas d'idée sur la question, je n'en ai pas vu, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Après tout, il y a des tas de choses que je n'ai pas vues et qui existent quand même. Alors voilà, je crois que... Moi, c'était juste pour dire... c'est intéressant, oui, bien sûr. Et pour dire que mais j'y crois. Vous avez raison, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas, encore une fois, parce que je n'ai pas eu connaissance de ce phénomène-là, qu'il n'existe pas, vous le dites, il n'y a aucune raison de ne pas vous croire. Ce serait bien bête de ma part. Oui, ça, parce qu'en fait, c'est vrai que... en ce temps-là, quoi, enfin, à cette époque-là, quand ma mère est morte, j'étais complètement shooté, quoi. Mais bien sûr. Complètement. Bien sûr, absolument. Alors donc, il y a forcément une raison, il y a forcément, oui, dans sûr, mon cerveau, oui, il y a forcément une substance. Ne pas avoir été shooté, comme vous le dites, c'est ça qui aurait été anormal. Oui, mais figurez-vous qu'au travail, on me reprochait d'être normal. Enfin, on me reprochait de ne pas aller voir un psy. Oui. Oui, vous savez, mieux on s'en passe, et mieux ça vaut. Mieux ça vaut, voilà. Ah, oui. Bon, moi je vous laisse, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci Stéphane pour votre appel. Merci. Quand on parle de deuil, moi j'ai envie de parler plutôt de vous entendre parler, Philippe Ragoneau, de clin d'œil. Des clins d'œil, ben oui, je crois qu'on vient d'en entendre un certain nombre. Hein, c'est tous ces petits signes, c'est un clin d'œil. Il y a des choses malicieuses d'ailleurs. Quelquefois, le clin d'œil est malicieux. Il est arrivé à Catherine de me cacher des choses pour voir un peu comment je réagirais. Il me les ressortit à 10 mètres plus loin. Attendez. Dans ce petit clin d'œil. Cacher des objets qui vous appartenaient, des calepins. Non, pas seulement. J'étais en train de dire. Et l'histoire de carte bleue. Oui, il y en a des tas. Certaines me sont sorties de la tête. Je me relisse pour me les remettre en mémoire. Mais je me souviens qu'un jour, j'étais en train d'écrire un autre bouquin, j'ai posé mon stylo côté de moi, et au moment de le reprendre, j'avais plus de stylo, il avait disparu. J'ai retrouvé sur la table de nuit. Alors ça, c'est des petits clins d'œil, des petits malices, des choses comme ça, quoi. Nous avons Jean. Bonsoir, Jean. Bonjour. Votre dernier auditeur, il a rappelé une phrase qui avait été dite de personnes irremplaçables. Bon. Et il ne se rappelait plus qui avait dit ça. Et Monsieur Ragnou lui-même a hésité un peu. Il a dit qu'il l'avait dit lui, mais en fait, c'est une phrase qui a été prononcée par Georges Clemenceau lorsqu'il était président du Conseil en 1917. On lui a dit, mais cette personne est décédée, hélas, et il est irremplaçable. Il a répondu, ouais. Personne n'est irremplaçable. Les cimetières sont pleins de personnes irremplaçables. Georges Clemenceau, ouais. Président du Conseil, 1917. Merci, monsieur, pour votre mémoire. Au revoir. Georges Clemenceau, merci. Appelé plus communément le tigre. Le tigre qui avait cette phrase, ouais. Je fais la guerre. Oui. Voilà. Merci, Jean. Avec plaisir. Je vous en prie. Ces témoignages ne font que conforter d'avoir écrit ce livre, Philippe Ragnou. Bien sûr, bien sûr. Ils sont très émouvants, ces témoignages, ils sont très réconfortants. Ils vont tous dans le même sens, d'ailleurs. Hein. C'est ce dont nous débattons depuis bientôt 2 heures, ou un peu plus. C'est très réconfortant, c'est vrai. Bon, ils sont... Bon, je pourrais sortir quelques-unes des lettres de ma pile et vous les lire. Vous y verriez... des choses très, très semblables, qui vont toutes dans le même sens. 5000 lettres après l'apparition du livre. Oui, au moins, oui. Oui, au moins. J'allais dire l'apparition du livre, et non, oui. Et non pas l'apparition. Oui, c'est ça, oui. Oui, bien sûr. J'ai des lecteurs très fidèles. Beaucoup, d'ailleurs, lisent ce que j'écris, quoi que ce soit, d'ailleurs. Parce que j'écris pas que sur ce sujet, c'est le seul livre. Vous brûlez d'envie d'en parler, nous allons en parler. Je n'écris pas seulement, bon, le livre, c'est à propos de Catherine, est unique en son genre. Oui, je ne peux pas en écrire deux comme ça, vous comprenez bien. Mais j'ai écrit des romans, de toutes sortes d'histoires, sur des bêtes que j'aime beaucoup, parce qu'elles me consolent des hommes, des romans purs, ou des romans historiques. Les chats, vous aimez les chats, mais oui. Rappelons-le, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute à 23h, quand nous avons fait la présentation de Philippe Ragnou, cette Légion d'honneur que vous avez sur la veste, oui. C'est vous qui l'avez demandé ou on vous l'a donné? Non, j'ai reçu la Légion d'honneur en 44 et la Croix de la Libération en 45. Non, je n'ai jamais demandé une seule décoration. Elles m'ont été toutes données, soit parce que quelqu'un les avait demandé pour moi, soit parce que pour une raison ou pour l'autre, on savait plus ou moins ce que j'avais fait et on pensait que ça les méritait. Ce que je ne suis plus faire, c'est la Croix de la Libération. Nous ne sommes plus que quelques centaines vivants. Nous étions 1000 au départ et je suis... Et par un prompt effort, nous nous vîmes. Oui. J'ai un pied dans la tombe et l'autre qui trébuche. Par conséquent, je ne tarderai pas à rejoindre mes valeureux compagnons. Vous avez été très près de Charles de Gaulle. Pendant 14 ans, j'ai vécu dans son... Non, pas dans son intimité, dans sa familiarité. D'abord, un petit peu... Je ne l'ai pas connu à Londres, figurez-vous. J'étais à Londres plusieurs fois puisque j'allais chercher des missions et on me parachutait en France pour les accomplir. Je ne l'ai connu qu'après la guerre. Mais au RPF, où je suis resté plusieurs années... J'avais terminé d'ailleurs comme chef du service de presse et d'information et son porte-parole, et puis par la suite au cabinet, bien sûr, lorsqu'il était chef du conseil, président du conseil, et puis par la suite parce que je suis allé plusieurs fois à Colombey et j'ai eu la chance d'être reçu par lui plusieurs fois. Oui, vraiment, je l'ai très très bien connu, ça c'est vrai. Charles de Gaulle a une fille qui a disparu dans des conditions dramatiques. Oui, très triste. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il vous parlait de la mort? Est-ce que c'est... Non, ça a fait sujet de non, l'objet de conversation entre lui et vous? Non, nous savions tous cette triste histoire. Il aimait beaucoup Anne. Il y a d'ailleurs une fondation Anne de Gaulle qui s'occupe des enfants qui sont dans ce cas-là. Et je recommande à tous ceux qui peuvent le faire que cette fondation reçoit des dons et ne vit que de dons. C'est une fondation très très estimable qui est gérée par M. Vandrou. Et ça, il faut l'aider à tout prix, hein, ça c'est sûr. Non, le général ne parlait pas. En tout cas, moi, il ne m'a jamais parlé de la mort. Ça. La seule chose, dans le livre que j'ai consacré à son humour, qui s'appelle « Humeurs et humours du général », aux éditions Grancher. Oui, qui va être édité à la fin de l'année, en septembre. La dernière des histoires, entre guillemets, que je rapporte, fait un peu allusion à cela. Son chef de camp, il l'a raccompagné jusqu'à la porte, et le chef de camp lui dit, ne sortez pas, mon général, il fait très froid. Et le général dit, oui, c'est froid qui est déjà presque la mort, quelque chose comme ça. Là, c'est une petite allusion, peut-être à ce qu'il sentait venir, et à les savoir. Mais d'une façon générale, non. Non, il n'abordait pas le sujet. Je pense que vous avez dû côtoyer Marcel Julien, que nous avions reçu il y a quelques années sur cette même antenne. C'est un très bon ami, Marcel. C'est un très bon ami. J'ai eu la joie de faire sa connaissance parce qu'il dirigeait la deuxième chaîne, parce qu'il était patron de la deuxième chaîne. Mmh. Oui. Après moi, bon. Et nous avons tout de suite, bien que nos fonctions étaient un peu différentes, nous avons tout de suite sympathisé. J'ai gardé pour lui énormément d'amitié. C'est un type tout à fait remarquable, qui en plus est un excellent scénariste. Il a beaucoup de cordes à son arc, Marcel. Il écrit bien, il a écrit des scénarios de films remarquables. Puis c'est un homme d'une grande culture, d'une grande intelligence. Est-ce que Charles de Gaulle était quelqu'un de féroce dans son humour? Ça lui arrivait. Oui. Bon, par exemple, je recevais un jour un chef d'État étranger qui était venu demander une petite rallonge à l'aide que la France donnait à son pays. Et en sortant de cette entrevue, le chef d'État était abordé par des journalistes qui lui demandent comment ça s'est passé. Il dit, chaque fois que je vois le général, c'est pour moi une source d'enrichissement. Et de Gaulle, en lisant la formule dans la presse le matin, a dit, en voilà un au moins qui a la franchise de le dire. Cet humour de Gaulle que l'on retrouve d'ailleurs et dans votre livre qui va être réédité donc, et dans le livre de Marcel Julien, Réplique, pensée, anecdote, édité aux éditions du Cherche Midi. Oui. On peut en parler. Bien sûr. De Gaulle est toujours présent. Ah oui, naturellement. Alors là, dans cette édition, j'ai trouvé 34 histoires nouvelles qui ne sont pas connues du tout, que j'ai ajoutées à ce livre, à cette réédition, qui sont toutes plus désopinantes les unes que les autres. Mais il y en a différence, c'est vrai, oui, de temps en temps, il avait la dent dure, quand vraiment les choses ne lui plaisaient pas ou quelqu'un l'avait agacé. Enfin, nous voilà bien loin de... On s'en éloigne un petit peu, mais Philippe Raguenaud, vous vivez ici et maintenant, même si vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un pied sur terre et l'autre dans la tombe. Mais bon, vous n'avez peut-être pas vraiment envie de rejoindre Catherine tout de suite. Non, Catherine me dit... Vous l'avez tout le temps. Prends ton temps, tu as encore des choses à faire, voilà. Tant qu'il y a des choses à faire, il faut les faire. Et j'en fais, je n'ai jamais cessé. Je ne sais pas ce que c'est que la retraite, moi, quand j'écris pour un bouquin, j'anime des associations. Je suis vice-président de plusieurs associations, dont celle des écrivains combattants. Et puis, je participe à la vie politique de beaucoup de manières, indépendamment des bouquins, bien entendu. Quand on a le temps et un peu de santé pour le faire, il faut le faire. Vous pouvez dire votre âge, Philippe Raguenaud ? Oui, j'ai pas la tête coquetterie de le dissimuler, j'ai 86 ans, ça va, on fait avec. Ce livre, L'autre côté de la vie, oui. Henri Bonnier, qui est Henri Bonnier? Henri Bonnier était le conseiller littéraire de Jean-Paul Bertrand, le PDG des éditions du Rocher. Il a pris un petit peu de distance maintenant, pour des raisons de santé, mais était longtemps son conseiller. J'ai connu Henri Bonnier aux éditions Albin Michel. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, Julien ou la route à l'envers, qui n'était pas une biographie, mais qui était un récit de pas mal de choses que j'avais vécues, notamment l'exécution de l'amiral Darlan, j'ai envoyé ce livre je connaissais aucun éditeur, j'ai pris l'annuaire du téléphone. Le premier qui était là, c'était Albin Michel, je l'ai envoyé à Albin Michel, et c'est Henri Bonnier qui a pris le livre. Il m'a téléphoné 2 jours après, en me disant, monsieur, je ne vous connais pas, mais j'ai eu la faiblesse de commencer votre livre pendant une séance du conseil de rédaction, et bien je l'ai terminé dans la nuit. Venez nous voir, on le prend. Voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Henri Bonnier, qui est un type tout à fait sympathique, qui est lui-même un excellent écrivain, d'ailleurs. Et nous sommes restés en relation d'amitié. Par la suite, Albin Michel m'a demandé d'autres livres que j'ai fournis, et notamment les livres sur les chats, puisqu'on en parlait tout à l'heure. J'ai écrit 9 livres sur les chats. Ça a commencé par l'histoire édifiante et verdict du chat Moon, et ça se continue aujourd'hui par une série policière dont un chat est le héros. Ça s'appelle Tiburce. Tiburce, le chat qui faisait ceci, qui faisait cela. Et il vient de sortir, le numéro 2 vient de sortir, ces jours-ci. Que vous avez eu la gentillesse de m'apporter, mais je ne l'ai pas lu. Tiburce, le chat qui piégea les terroristes. C'est ça, exactement, oui. On pourrait peut-être envoyer des chats dans certains endroits de la planète. Ça serait pas mal. Et c'est un roman policier classique, mais c'est le chat qui va mettre sur la piste la police qui patauge et qui va leur dire qu'il y a la bonne direction à prendre. Le suivant paraît au mois de juin. C'est le chat qui démêla l'énigme de l'hécatombe. Et mon éditeur qui est tout à fait emballé par la série parce que ça marche très très très très bien. M'en demande maintenant 2 par an. Il va falloir fournir. Mais enfin, le 4e est déjà écrit et je vais continuer. Je crois que tout ça, j'aime beaucoup le roman policier. J'en ai lu des quantités et comme j'adore les chats, la conjonction des deux fait un très large public. Il y a 6 millions de chats domestiques en France. Ça veut dire potentiellement 6 millions de foyers que ces histoires-là intéressent. Et il y a autant de millions de gens qui aiment le roman policier. Alors quand vous additionnez les deux, ben ça va faire un très large public. Est-ce qu'on pourrait comparer Tiburce à Commissaire Maigret? Ah, si on veut, oui, c'est pas possible. Oui, il a plus de poils que Maigret, mais à part ça, en effet. Mais vous avez un côté un peu Maigret, là. Il y a une pipe, vous fumez la pipe. Oui, bien sûr. Catherine ne vous a jamais dit d'arrêter de fumer la pipe? Non, Catherine ne m'a jamais imposé de choses qui me soient désagréables. J'aime bien boire un whisky le soir, pas tous les soirs, mais de temps en temps. Elle m'a jamais dit c'est mauvais pour la santé. De ce côté-là, nous étions l'un vis-à-vis de l'autre d'une totale bienveillance, d'une totale compréhension. Surtout à partir d'un certain âge, les petits plaisirs de la vie, c'est ce qui vous la fait avaler sans trop de souffrance quand même. Pourquoi est-ce que je m'en priverais à 86 ans? Catherine vous dit, on se révolte contre tout ce qui échappe à notre compréhension et nous est imposé. On remercie quand on comprend et qu'on accepte. Voilà, absolument, oui, bien sûr. C'est votre façon de la remercier en ayant écrit bien sûr. L'autre côté de la vie. Bien sûr, je la remercie tous les jours. Et je crois que je suis prêt à se la remercier. Tous les gens qui ont été touchés par ce message et qui, grâce à ce message, ont retrouvé un peu de sérénité, un peu de tranquillité, un peu de joie de vivre, ben, tous ces gens-là la remercient, me le disent et me l'écrivent. Et ça me touche énormément. Philippe Ragoneau, un auditeur qui n'a pas voulu intervenir à l'antenne, vient de me dire, je résume en quelques mots, mais vous êtes complètement fada de parler de ces trucs-là, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette bande allumée sur cette radio qui est en train de parler de communication entre les vivants et les défunts? Écoutez, j'ai beaucoup d'indulgence naturelle. Tout le monde, chacun a le droit de croire ce qu'il veut ou de ne pas croire ce qu'il veut. Je n'en veux à personne. C'est le droit le plus strict de ce monsieur de penser que tout cela, ce sont des calembres d'Aisne. Bien sûr, mais ça ne change rien à mes convictions personnelles. Ça ne change rien surtout aux réalités que j'ai constatées et que je ne suis pas seul à constater. Tous les gens que nous avons eu à l'antenne ce soir, je crois, ont dit des choses assez voisines de celles que j'exprimais moi aussi. Par conséquent, je pense que la vérité est plutôt de notre côté. Maintenant, encore une fois, je n'oblige personne à les croire, personne. Et vous avez raison, nous n'obligeons personne non plus à écouter cette radio. Absolument. Hein. Le plus grand pouvoir que nous avons chacun, c'est de pouvoir zapper quand on a la télévision devant soi, qu'on a une télécommande. Si on s'emmerde en regardant une chaîne de télévision, et Dieu sait s'il y en a des chaînes où on s'emmerde, on a la possibilité de zapper et de voir ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez aux incrédules, sans vouloir à tout prix les convaincre? Non, je ne chercherai pas du tout à les convaincre. Je ne fais pas de prosélytisme. Je ne vends pas de marchandises, je ne vends rien. Je ne vends même pas mes convictions. Je porte témoignage. Je n'ai fait que porter témoignage. Alors, il y a ceux qui pensent que je suis dans le vrai et que je suis sincère, et il y a ceux qui pensent que j'affabule. Bon, ben, laissez-les dire. Quand on dit au revoir, quand on dit adieu, je pensais à tout à l'heure à l'adieu, je ne me rappelle plus quel est l'auditeur qui en parlait. Adieu, c'est un joli mot en définitive. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais disons, on lui a donné une connotation qui est un peu triste. Mais c'est la connotation qui est triste, c'est pas le mot lui-même. Mm-hmm. Comment vous l'imaginez, Dieu, si tant est que vous soyez... Je ne l'imagine pas, mon imagination ne va pas jusque-là. Vous avez la foi, vous croyez. Oui, bien sûr. La foi du bûcheron, comme vous disiez tout à l'heure, ou du charbonnier. Le charbonnier. Et nous accueillons Adrienne. Bonjour Adrienne. Oui, bonjour. C'est votre première intervention, Adrienne ? Tout à fait la première, oui. Vous ne dormez pas, Adrienne ? Comment ? Vous ne dormez pas ? Non, j'ai écouté l'émission presque depuis le début. C'est la première fois que j'écoute cette station. Et comme j'ai perdu mon mari il y a presque 2 ans, oui. Et donc je suis encore très... J'imagine, oui. C'est donc très difficile. Hein. J'ai mouillé 2 mouchoirs avant de vous appeler. Oui. Et alors je voulais vous dire que c'est la nuit... presque toutes les nuits d'ailleurs, ça me réveille, j'entends mon mari qui respire. Oui, oui. En écho à ma respiration. Alors j'ai écouté si c'était ma respiration que j'entendais. Non, parce que même quand je suis réveillée, j'entends la sienne. Et lorsque je me réveille la nuit, je sens sa présence. Il est là dans la maison. Oui. Mais je sens aussi la présence de ma fille qui, elle, est vivante, mais elle est à Londres. Donc je sens ces deux présences et je me dis, mais... Comment, tu es toute seule à la maison? Ça ne me fait pas peur du tout, hein. Je n'ai pas peur du tout. Au contraire, je suis très en confiance. Vous avez raison. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et bien sûr, à la maison, j'ai encore tous ces vêtements. Rien n'a changé, hein, depuis son départ. Oui. Voilà. Et autrement, pour ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui nous a élevés. Je la revois très souvent, très très souvent dans les rêves. Oui. Elle n'est jamais morte. Elle ne va pas mourir non plus. Elle est âgée, mais à la fin du rêve, elle redevient comme un petit bébé que je tiens dans mes bras. Ah oui. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Oui, c'est les mystères. Oui, voilà. Mon père, c'est la mère de mon père. Hein. Mes parents étaient divorcés, donc c'est ma grand-mère paternelle qui nous a élevés. Donc c'est elle avec un grand amour, disons. Et mon père, je le revois, mais... c'est beaucoup plus... Il ne parle pas. Ma grand-mère me parle. Oui, oui. C'est des conversations qu'on a eues, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus. Mais c'est très très souvent que je revois ma grand-mère en rêve. Mon père, lui, est quelqu'un qui disparaît tout à coup. Il est malade et il disparaît, mais je ne sais pas où il part, je ne sais pas du tout. Oui. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, mais ces manifestations sont... varie hein, d'une personne à l'autre, c'est pas toujours la même chose, ça se présente pas toujours de la même manière pour l'un ou pour l'autre. Hein. Oui, bien sûr. Ça dépend bien de beaucoup de choses, de la façon dont on s'est quitté, des relations qu'on avait, d'un souvenir qui passe. Oui. Voilà. En tout cas, vous avez de la chance, vous aussi, de pouvoir tout de même sentir cette présence, oui. C'est très important. Oui. Et croire. Oui, je voulais vous dire, aux alentours de la... de la Toussaint, j'ai été pénétrée par un froid glacé, enfin vraiment, j'étais glacée comme le froid de la mort. Et depuis, disons, je rêve, enfin mon mari devient de plus en plus présent, disons, la respiration est de plus en plus présente, presque toutes les nuits, disons, depuis. Et mon état de santé descend aussi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas du tout, vous voyez. Mais je n'ai pas peur de la mort, absolument pas. Quand il est mort, quand il y a eu les prières, c'était dans un hôpital ici à Paris, je tenais les mains de mon mari pendant que nous récitions les prières dans la chapelle, vous voyez. Et depuis, je n'ai plus peur de la mort. On a raison. Voilà. La mort, c'est ce qui nous permet de nous retrouver, justement. Oui, c'est justement. Voilà. Vous avez raison. Oui, et je sais qu'il me porte conseil. Oui. Je le sens, j'ai des hésitations, et il me guide. Mon mari me dit. Oui, bien sûr, absolument. Oui, voilà. Oui. Je voulais vous remercier autrement parce que vous m'avez beaucoup touché de tout ce que vous disiez. Merci, voilà. Merci à vous, madame. Oui, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous remercie beaucoup. Adrienne, moi je vous remercie d'avoir eu le courage d'appeler pour la première fois. Mais plus faire partie de ces auditeurs trop nombreux à notre gré, passifs, qui ont. Vous avez des tas de choses à dire, et puis vous n'osez pas appeler. Mais pour moi, c'était pas une question de pas oser appeler. Oui. C'était l'histoire de pouvoir parler, parce que j'ai mouillé deux mouchoirs, et là, j'ai un autre mouchoir qui est à côté de moi, hein, parce que je suis très remuée encore par tout ça. Vous dites qu'il ne faut pas être triste, mais je suis. Mais c'est évident. Je n'en sors pas. Bien sûr, c'est évident. Vous mettez les mouchoirs de côté, vous verrez, tout ira bien. Oui. Au revoir, Adrienne. Merci beaucoup encore, et bonne nuit à tous les deux. Merci. Au revoir, et bonne nuit aux auditeurs. Merci Adrienne. Oui, c'est vrai, je le répète, pas toujours les mêmes, quoi. De temps en temps, laisser aussi la place à ceux qui ont envie et qui n'osent pas, parce que ce n'est pas un club fermé ici et maintenant, réservé à quelques auditeurs qui se croient privilégiés. Non, c'est ouvert à tous les auditeurs. Et quand vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Il y a deux numéros, 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 45. Une question, Philippe Ragneau. Certains esprit fragile pourrait penser que quand on est décédé, quand on est défunt, et qu'il y a de l'autre côté celui qui reste, parce qu'il y en a un qui reste, est-ce qu'il n'y a pas danger à se sentir un peu possédé? Comment l'entendez-vous? Disons que la douleur, l'absence, fait qu'on va peut-être être trop envahi par la personne qui est partie. Je vous répondrai volontiers qu'on ne l'est jamais trop, puisque c'est une présence qui demeure. Ceci étant, il ne faut pas que ça tourne à l'obsession. Je crois que une page terrestre est tournée. Ce n'est qu'une page terrestre, mais elle est tournée. Donc il faut prendre son parti du fait que, d'une certaine manière, on sera quand même seul. Ça, c'est certain. Alors, ceux qui ont la chance, comme cette dame que nous écoutions à l'instant, d'avoir cette relation, bon, ceux-là, évidemment, sont plus heureux que d'autres, ça c'est certain, mais c'est encore une fois le fait d'une minorité. Nous accueillons Simone. Simone. Oui, bonsoir. Bonsoir Simone, c'est la première fois que vous appelez ? C'est la première fois que j'appelle, c'est la première fois que je vais oser aborder ce sujet qui vous a tellement aidé à subir la douloureuse séparation, mais en même temps tellement enrichissante de Mademoiselle Lagarde. Or, votre livre merveilleux est arrivé à une période où moi-même je traversais les mêmes maladies, les mêmes difficultés, et savez-vous que ce livre est mon livre de chevet, parce que cette merveilleuse prière qu'elle a demandé, vous savez, celle où on ne part pas, on ne meurt pas, on ne fait que pousser la porte. Et votre scepticisme au début. Simone, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus loin du combiné, parce que ça sature un peu et c'est pas très confortable. On voit que vous n'avez pas beaucoup l'habitude d'intervenir. Je vous laisse, allez-y. Oui, et ça m'est très difficile de le faire, monsieur, parce que je vais vous dire la vérité. J'ai 89 ans, j'assume 3 concerts dans un cancer des os, et j'ai la gorge prise, et j'ai beaucoup de mal à parler plus fort et à articuler, et même à tenir l'appareil. Pardonnez-moi. Non, vous êtes tout pardonné, je vous admire. Vous êtes un compagnon de la libération, vous êtes un homme de vérité, de courage, d'abord et de culture, d'une énorme culture. Mais voyez-vous, ce qui était bouleversant dans ce livre, c'est par exemple le jour où vous cherchez, qu'elle vous indique un endroit pour acheter des fleurs, pour aller dîner chez des amis. Or, la fleuriste elle-même était étonnée que vous ayez pu aller chez elle, puisque ça n'était pas l'habitude d'être fermée jusqu'à 9h. Eh bien, moi, pour ne pas encombrer l'antenne, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, mais je vais être enterrée avec mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, enfin toute la famille, mais dans une branche de ma famille. Eh bien, monsieur, la semaine dernière, le jour anniversaire du décès de l'arrière-grand-mère, les 3 cadres se sont détachés et s'est tombé les uns sur les autres. Et hier, c'était l'anniversaire du décès de ma mère, la veilleuse qui est dans la salle de bain s'est éteinte. et j'ai toujours des faits comme ça. Alors, nous ne sommes pas dans une séance de médiumnité et d'explication, mais nous avons raison, on y croit, on n'y croit pas. Mais si les gens remarquaient avec beaucoup plus d'observation, il y a presque tous les jours des intersignes, et ça nous aide à passer sur cette foutue planète qui a tant de richesses, de culture et de beauté, et que tous les Français en particulier critiquent toujours tout, mais qu'ils observent, qu'ils comparent et qu'ils ne haïssent pas. Et monsieur, c'est une grande reconnaissance que je vous adresse, parce que vous êtes un homme formidable, et depuis si longtemps. Bon courage. Merci, merci madame. Et je suis heureuse de savoir que vous êtes toujours là. Je suis très touché, madame. Merci infiniment. Je vous en prie, monsieur. Mais je pense beaucoup quand je la voyais si belle aux émissions de télévision. Ah oui. Et tous ces médecins qui l'ont bernée comme moi. Mais enfin, c'est à croire que les médecins nous l'ont traînée comme les petits avocaillons qui ont besoin d'avoir parfois des salaires substantiels. Ils nous voient souffrir et c'est au moment où ça devient dramatique et parfois fulgurant. Alors là, on pousse des cris, mais c'est surtout le malade qui crie. Enfin, peu importe. Monsieur, encore merci d'être venu. Merci à vous, madame. C'est la France avec des hommes comme vous. Merci, Simone. Bonsoir. Et puis n'hésitez pas à rappeler de temps à autre quand l'envie vous en prendra. Ah, que vous êtes aimable. Mais vous savez, j'ai déjà mal au foie. Je suis prévenue que mes cellules cancéreuses sont un peu partout. J'ai une minerve. Je ne vais pas énumérer. Je ne suis pas à me plaindre. Mon père m'avait appris quelque chose. Mon père était polytechnicien. Un vieux monsieur qui m'est à 60 ans, alors comme je vais avoir bientôt 90, m'avait dit, souviens-toi de Montaigne, il avait dit, en ton exigence est ta ressource. Eh bien, cette merveilleuse pensée de Montaigne, monsieur, m'a donné beaucoup de courage. Très bien. Très bien. Je vous dis bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci, Simone, pour votre appel. 01 45 75 44 44, Philippe Raguenaud, une lectrice. Oui. C'était une lectrice, une auditrice, c'est qui a appelé pour la première fois et qui a lu ce livre. Oui. J'ai attendu pendant plusieurs années pour vous recevoir. Et je me souviens que, avant d'avoir cette émission tous les vendredis plus près des étoiles, je me souviens d'un vendredi où j'avais lu quelques extraits de ce livre. Je ne pensais pas que vous seriez dans le studio ici et maintenant. Vous savez, je ne sais pas combien d'exemplaires il y a dû tirer avec les rééditions, mais ça ne doit pas être loin de 200 000. Nous accueillons Pierre. Bonjour Pierre. Bonsoir. Et c'était pour donner mon opinion sur la situation économique actuelle. Ah oui, d'accord. Eh bien, je crois que ça a duré 200 ans, on a vécu dans la société industrielle, mais maintenant, c'est fini avec un ni à la fin, fini de la maison, fini. Alors, je pense que on peut aimer les entreprises comme la droite libérale, on peut les détester comme les gens de gauche ou d'extrême gauche. C'est marre, c'est fini. Ça serait un peu comme un type qui aurait un animal, quoi. Ou les paysans du début du siècle qui avaient encore des chevaux ou des ânes, mettons l'âne ne pourrait plus avancer. Qu'est-ce qui sert à rien de le super gâter ou de lui filer des coups de bâton. Le monde des entreprises, c'est fini. Je ne crois pas. En 2003, ou bien non? Je ne crois pas, non. Il y aura toujours des entreprises, il y aura toujours des entrepreneurs. Ah oui, mais plus de la façon... Ça évolue, oui, les choses peuvent un peu évoluer. Non, ce dont il faut se méfier, je pense, au plan économique... Là, nous sommes dans un sujet un peu particulier. Il y a deux choses qui sont dangereuses. Ce sont les délocalisations et les regroupements excessifs. Et également le poids excessif, c'est trois choses. Le poids excessif de la bourse, la pesanteur de la bourse sur les entreprises. Ça va être trop dangereux. Et délocalisation vient de ce que les entrepreneurs cherchent toujours à produire moins cher et on va faire fabriquer dans des pays où les gens sont payés un euro par jour. À des clopinettes, bon. Oui, moi par exemple, je fais des programmes. Puis nous en Europe, les programmeurs, les salaires, il y a encore 4-5 ans, ça allait jusqu'à 5-6 000 euros. Et puis il y a certains pays où ils sont payés 100 euros par mois, puis ils sont super contents. C'est ça, c'est ça. Mais... Alors je crois que là il faut faire quelque chose, c'est certain. Mais malgré tout, en toute amitié pour vous, je crois que la bourse, par exemple, c'est simplement c'est une façon de piquer l'argent des retraités européens. Surtout, il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus d'argent qui leur sont consacrés. Et puis la bourse, c'est une façon de... C'est un peu... Oui, c'est un peu vrai, d'hocus pocus, quoi, pour, oui, c'est un peu vrai, pour oui, tirer oui. l'argent des oui, fonds oui. de pension, d'en prendre un tout petit peu. Oui. Et puis à chaque fois qu'il y a les crises boursières, ça a correspondu, par exemple, quand les personnes... après 14-18, il y a eu un creux de... Il y a beaucoup de gens qui sont morts à la guerre. 40-50 ans après, quoi, quand les gens sont arrivés à cette retraite, il y a eu moins de personnes âgées. Ça a été la crise de... Bon, celle de 36. Après, il y a eu la crise correspondant dans les années 70 à la guerre de 39-45. C'est... Disons, la bourse, c'est pas très... C'est la société humaine qui est à la fin. Maintenant, les hommes, on est... Gentiment, mais sûrement, on est en train d'être virés par les machines. Et puis, il ne faut pas le prendre ni bien ni mal, c'est la vie. Il faut savoir que nous, pour l'instant, on n'est que entre... on est des humains, et puis on ne pourra jamais faire mieux que les machines. On est limité, par exemple, pour conquérir l'espace. Par exemple, en mer... Jean, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans un monologue ? Ah, je m'excuse, oui. Non, oui, vous avez raison. Philippe Raguenaud est un homme très, très poli, il vous écoute, mais c'est j'écoute. Un monologue. Ah oui, je... Non, non mais j'écoute, monsieur dit des choses sensées, d'ailleurs. Et, très sensées. Oui, je voulais dire, par exemple, disons, pour visiter l'espace, par exemple, les poissons volants, c'est pas la loi du genre, il y a des poissons qui peuvent voler, mais les trois quarts, ils sont contingentés à la mer. Nous, les hommes, on est contingentés à notre... Par exemple, on a besoin de dormir, on a besoin de manger des aliments. Une machine, elle n'a pas besoin de dormir, elle peut visiter son bocal à poisson, c'est tout l'espace. Elle peut travailler jour et nuit. C'est nos successeurs, faut pas les voir comme des ennemis, mais faut savoir qu'on risque de... Un peu comme des papillons autour d'une... Faut qu'on se prenne en charge, faut qu'on invente des autres trucs. Je peux raconter une petite histoire qui s'est passée à Bagdad vers l'an 700. Oui, allez-y. Oui, c'était... Il y avait le calife Haroun al-Rachid qui cherchait un nouveau vizir pour les postes, parce que les... Et puis disons, il avait trois concurrents, Hassan, Ali et Ahmed. Alors, il dit, ouais, je suis bien embêté, lequel je vais prendre, ils ont l'air aussi bien... Puis il se dit, bon, mais le ministre des postes, je vais faire une course entre Bagdad et Bassora. Chacun va avoir un âne, et puis c'est celui qui conduira l'âne le plus vite chargé de courrier. Alors il prend le premier, Hassan, puis Hassan, il dit, ah, moi je connais une seule façon pour faire avancer cet âne, c'est s'il veut pas avancer, gare à lui, je vais lui... Et puis il maltraite l'âne, quoi, l'âne... Un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres, et puis Hassan, paf, vas-tu avancer, sale bête. Puis l'âne meurt de maltraitement. Arrive le second Ali se dit, ben moi je vais pas faire pareil, je vais le nourrir, je vais le bichonner, cet âne. Et puis bon, il commence la course, et puis il fait empiffrer son âne, et puis l'âne il dit, moi j'ai eu une vie de misère toute ma vie, pour une fois je suis super gâté, Dieu sait de quoi sera fait l'avenir, et puis l'âne meurt de... Il a la panse remplie, puis il dit c'est le moment où mourir, puis il meurt. Puis arrive le troisième, Ahmed. Alors quand l'âne avance bien, il le récompense. Quand l'âne avance mal, il lui donne des petits coups de bâton. Puis c'est le troisième, c'est Ahmed qui gagne la course et qui devient vizir des... Mais la morale de cette histoire, c'est que pour faire avancer une société... Il faut lui donner ce dont elle a besoin, ni trop, ni trop peu. Et puis là, pour faire avancer la société humaine, il faut mettre des machines à la place des gens. C'est trop, quoi. Les machines, elles feront toujours mieux, elles courront plus vite, elles seront... Et puis, elles nous apporteront pas la place de vizir, quoi. Au bout, il n'y aura rien pour nous. Pareil, le truc, c'est... Mettre que des humains, c'est plus possible, parce que les gens, on est plus habitués à... par exemple, les humains ont besoin de... Tous les midis, ils doivent aller bouffer. Tous les soirs, ils doivent aller... Le truc, quoi, c'est de faire d'en prendre conscience, de savoir qu'on est... Cette société, elle est finie. Si on veut qu'elle perdure, elle se fera pas en concurrence, pas en supergâtant les machines, pas en leur donnant trop, en les mettant à notre service pour que ce soit une sorte de véhicule, non ? C'est mon opinion. D'accord, bah oui, n'est pas tort. Et puis, disons, nous, on n'est absolument pas solidaires entre nous, les humains. Et puis, on en prend plein la poire, et puis c'est un peu... On récolte ce qu'on sème, non ? Malheureusement, peut-être on a été programmé comme ça au début du temps d'Adam et Ève ou avant. Pierre, ouais, de quelle région vous nous appelez ? De Suisse, et puis malheureusement, moi j'adore votre radio, puis de temps en temps je vous capte, j'ai une super antenne, et puis là, c'est triste, j'arrive plus à vous capter. Et puis je vais essayer par internet, parce que moi je vous adore. Le pas français, malheureusement... C'est lentement, gentiment, un peu la cata. Ça devient le tonton. Ça devient de moins en moins démocratique. Ça n'aperçoit pas peut-être les gens du PAF français, mais c'est des gens remplis de talent, alias écu. Ils confondent écu et talent. Malheureusement, c'est dommage. Il y a plein de jeunes, surtout dans les banlieues, de super bonne volonté. Pas que dans les banlieues, hein, aussi des partout. Puis c'est un peu étouffé en France. C'est des gens qui sont au pouvoir depuis longtemps, ils en profitent, ils font rien. Si entre eux, ils s'entre-congratulent, le fils, le tonton, la tata, ils se connaissent tous entre eux, et puis ils ne s'imaginent pas, ils sont en train d'étouffer la société. Des gens plein de talent, au lieu de mettre leur talent au service du peuple, quoi, des gens de base, ils pensent qu'elle est soit les critiquer, soit les... puis c'est dommage, il n'y a aucun dialogue. Quand, par exemple, Orange... Pierre, nous avons d'autres auditeurs qui attendent. Ouais. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à Philippe Raguenau, vous qui êtes en Suisse et qui portez un jugement bien sévère, amical, je trouve. Amical, mais ouais. Si, on ne peut pas toujours vous dire que tout va bien, tout... On n'a jamais dit que tout allait bien. Ah, vous voyez. Mais amical, moi, je suis d'origine française, j'ai fui la misère, hein. Je me suis barré en Suisse pour éviter de... Puis là, je me retrouve au... Et... Ben, c'est dommage. S'il y avait plus de solidarité, quoi, le monde marcherait mieux. Si les gens cherchaient pas... Mon radio, j'adore votre radio, c'est une des seules à peu près, c'est un tout petit espace de liberté qui reste, et puis c'est un peu comme la peau de chagrin, malheureusement, ça rétrécit, pourvu que ça ne dure pas, pourvu qu'il y ait, comme disait Mao Tse-Tung, pourvu que sans fleurs s'épanouissent. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous, monsieur. Au revoir, bonne soirée. Merci. Merci, Pierre. Allez, dans un quart d'heure, je vous libère, ou alors vous voulez parler vous partir tout de suite, Philippe Raguenau? Il est un peu tard, je crois. Ou un peu tôt. Ou un peu tôt. Un peu tôt, parce que là, nous allons rencontrer les insomniaques, et ça peut nous mener jusqu'à 7 heures du matin. Mais ça va durer jusqu'à 7 heures du matin. Oui, mais pardonnez-moi, mais je sommeille. Non, je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Je rappelle le titre de votre livre, « L'autre côté de la vie, dialogue avec l'invisible », une réédition aux éditions du Rocher. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, vous qui connaissez bien les médias, puisque vous avez été pendant quelques années responsable et de chaînes de radio et de chaînes de télévision, est-ce que vous pensez comme cet auditeur que la liberté d'expression est en danger ? Je ne pense pas, non, vraiment pas. Non, la liberté tout court est trop ancrée, trop chevillée dans l'âme des Français depuis bien longtemps et même... avant 1789, non, je ne pense pas qu'elles soient en danger. Ceci étant, Je crois qu'il faut toujours être vigilant, parce que ça peut arriver, sans qu'on s'en doute, ça peut être insidieux, ça peut être... On l'a vu en Allemagne il n'y a pas tellement longtemps, on l'a vu en Russie il n'y a pas tellement longtemps, donc je crois qu'il faut être vigilant, mais de là avoir peur, non, je ne pense pas. Embrasserez Catherine quand vous la rencontrez. Je ne pas. Merci beaucoup Philippe Ragnaud d'être venu participer à cette émission. Bonne santé à vous. Merci, merci. Et puis, merci Jean-Claude. On n'attendra pas 15 ans pour se rencontrer. D'accord. De nouveau. Merci. Quand vous voudrez.